de chips et de bonbons, ouais. Peut-être pas forcément. Il faut vraiment arrêter de faire du riz. Bon, bah on y va. Vous êtes prêts? Ouais. T'enregistres là? Oui, bien sûr. Histoire de changer. Hey, Goudal. Hey. Là. Bon. Et ben, nous voici donc pour cet épisode 9 de Road to Hellfest, qu'on pourrait appeler un peu le bilan. Voilà. Le débrief. Le retour. Le retour. Road to la maison. Voilà, où on va enfin, suite après que tout le monde sur Internet ait bien déjà tout dit ce qu'ils avaient à dire. Voilà. À notre tour. À notre tour de faire notre tour sur cette édition 2017. Et on a des choses à dire. Ouais. On en a plein. Et on va les dire. Mais on va pas se retenir. Ouais. Parce que personne pourra nous empêcher de parler. Exactement. Parce que c'est un podcast libre. Free. Ouais. Bon, bah, moi, j'ai rien à dire. Voilà. Bah, moi non plus, du coup. Hein. Bon, bah, je propose de commencer par un petit tour de table, genre trois mots, pour exprimer un petit peu cette édition. Ah, oui. Je vais ouvrir les hostilités. Je dirais étouffant, peuplé et surprenant. Oh, attendez, j'ai complètement oublié de faire un truc, excusez-moi, on recommence. Comment allez-vous, messieurs? Bah, fatigué. Et toi, Joe? Fatigué aussi, ouais. C'est marrant, ça. Bien remis du festival, quand même? Bah, ouais, après avoir enchaîné. Ouais, un autre truc, mais... Ouais. Mot de gorge, ah, voilà. Ça, c'est parce que pas de clim. Non, mais ça, c'est son groupe. Ah, Mode de gorge. Ouais, d'accord. Après, un groupe pathétique, de Doom Sludge. D'accord. Mode de gorge. Cool. Et on tourne au foufou électrique, si. Au Canada. Mon festival. Et le chanteur, c'est Phil Anselmo, bien sûr. C'est ça, Phil Anselmo. Donc, je reprends. Donc, moi, mes trois mots, c'est étouffant, peuplé et surprenant. Je détaillerai, bien sûr, tout ça plus tard. Voilà. À toi, Joe. Découverte. Ouais. Si ça te fait chier. Voilà, non, mais là, faut que je les sorte comme ça, mes trois mots. Bon. Ah bon, bah vas-y, bah Bob alors. Bah, j'aurais dit surpeuplé. Mmh. Ouais, ça c'est sûr. C'est un peu le bon résumé, tes trois mots. Donc, poussiéreux. Ah ouais, bien. Ah, pas mal. Et apéro. Ouais. C'est un mot. Toi, Joe, je sais ce que tu peux dire. Bah, découverte, rencontre. Voilà, et insolation. Ouais, insolation. Donc voilà, bah, comme petit comment dire, point de départ de ce débrief, par quoi on pourrait recommencer? Voilà. Moi, je vous le demande. Jeudi? On attaque. Bah oui, on peut faire ça, Marc. On va pas repasser en revue tous les concerts qu'on a vus, mais on peut effectivement faire un petit tour des journées. Oh, je meurs pas. On a commencé du départ de la maison. Voilà, donc on est parti. Bah, on a eu une incompréhension, on n'est pas parti. Oui, rien de méchant. On y était quand même. Non, alors bah, on est plutôt arrivé assez tôt. Bah ouais. Pour une fois sur le lieu du fest. On a rejoint nos pénates assez rapidement et on s'est posé plutôt bien. Ouais. Et c'est là que ça a un peu déconné. Voilà. Voilà. Donc, Joe, peux-tu faire des aveux ici présent? Eh ben, pensez à ramener des batteries pour les portables et n'allez pas les recharger où il y a beaucoup de monde. Ça finit mal. C'est pas vraiment ce que j'aurais dit comme résumé. Ouais. En fait, tout simplement, le Hellfest, c'est un marathon. Et c'est pas un sprint. Et Joe a cru que c'était un sprinter sur 4 jours. Voilà, en gros. Donc, c'était un petit peu dur le vendredi. Bah, j'ai rampé un peu comme... C'est Bob, tu disais que tu rampais bien, toi. Oui, il a rampé aussi un peu. Le jeudi, mais je rampe très bien. En fait, il y a une règle de base, on se dit, on se met bien le jeudi, puis une fois qu'on dit, on se dit, bon, c'est un peu con, on n'aurait pas dû se mettre bien le jeudi. Et puis on se le dit à chaque fois. Après, là, il y avait un gros handicap, quoi. Voilà. Après, une fois que tu t'étais mis dedans, bah ouais. Bah, il y avait le soleil. Oui, c'est ça. Pour une première, t'as peut-être été un petit peu trop fort, vu le soleil qu'il y a eu derrière, en fait. T'as fait deux erreurs. Y aller trop fort et faire la queue au merch pendant une heure. Ça, c'était... ça aide pas, ça. Voilà. Donc, le vendredi matin, pour préciser. Ouais. Donc, je pense qu'on peut revenir en fait, sur un avis global de cette édition. Et je pense qu'on peut commencer par laisser parler Joe, qui donc, a fait sa... Bah, déjà, j'aurais une question, en fait. Est-ce que tout ce dont on a parlé dans les différents épisodes du podcast, est-ce que ça t'avait donc bien préparé ou on avait faux sur tout ce qu'on a dit et t'as eu l'impression d'arriver dans un autre monde? Ou c'était à peu près cohérent avec ce qu'on a dit? Non, c'était cohérent. C'était cohérent. Et du coup, j'ai bien vu le changement là, par rapport à ce que Bob il disait, déjà au niveau du nombre de festivaliers. Il parlait d'esprit de famille. Bon, là, on fait toujours de super rencontres, parce qu'on en a fait. Par contre, bon, ça a l'air quand même moins familial. Famille métal. Que ça a pu l'être. La grande famille du métal. Voilà, la fameuse. Voilà, c'est ça. Globalement, toi, par rapport justement donc, à tes attentes, parce que t'étais quand même, t'avais très très envie d'y aller. Ouais, après j'avais pas forcément d'attente non plus. Moi c'était la découverte donc. Ouais, mais on t'avait justement, t'avais envie d'y aller parce qu'on t'avait dit à quel point c'était bien. Donc est-ce que toi ça effectivement quand tu aujourd'hui t'en reviens tu disais ah c'était trop bien, ou tu serais plus mitigé, ou t'es capable comme tu m'as déjà parlé, on en a déjà discuté, de dire de nuancer en disant j'ai trouvé ça très bien, mais il y a eu deux trois trucs qui ont fait que moi mon expérience a été un peu, oui voilà, il y a des choses à dire, après j'ai trouvé ça trop trop bien, d'accord, mais bon il y a toujours des choses qui nous plaisent ou pas quoi, enfin donc tu as passé un bon Hellfest quand même, c'était cool. Ça c'est cool. Toi Bob, Après les critiques, tu vois, ça va être vachement personnel quoi. Ça dépend vraiment des... Bah c'est ça. Je tenais juste à dire que j'ai fait un petit peu mon travail. Toi? D'investigation. Mec. Et je me suis vachement renseigné sur... Et en fait, globalement, c'est une très bonne édition pour les gens. Voilà, je tiens à le dire. Pour les nouveaux? Non, pour eux, même des anciens. Pour eux, c'est vraiment une très bonne édition. Ah bon? Ouais. D'accord. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une meilleure édition que l'année dernière. Et que... c'est en rapport au fait que beaucoup de points négatifs ont été améliorés et que, les points positifs de cette année sont réussis. Du coup, les points négatifs améliorés n'existent plus. Enfin, il n'y a plus de points négatifs. Et que, on retrouve pour eux une bonne affiche avec un bon festival et des bons trucs. Il y a forcément des points négatifs et des gens qui vont critiquer, mais dans l'ensemble, les gens trouvent que c'était une bonne édition. Ouais, chacun vit son festival à sa manière. Et... Je dirais, parce qu'après, c'est vrai qu'on va pouvoir peut-être en parler à un moment donné, mais on a eu beaucoup de retours de trucs désagréables qu'on peut arriver justement aux filles ou aux festivalières présentes, qui correspondent d'ailleurs à un festivalier sur quatre maintenant. Donc ça a quand même, la proportion de filles a largement augmenté. Ouais. Et donc toi Bob, ton avis sur cette édition, essaye de faire un peu, parce que on en a déjà discuté, donc je sais ce que tu penses et tout, essaye de voir le truc dans son ensemble, peut-être moins personnellement, tu vois ce que je veux dire, dans son ensemble. Voilà, pour moi ça change pas des autres années. Dans l'ensemble, le point positif vraiment, c'est l'arrivée à la cathédrale. Nickel, franchement, ultra fluide. Il n'y a pas d'attente. C'est clair qu'il y a zéro queue, il n'y a même pas du tout ça, queue. C'était ultra surpris. Ça, c'était le point négatif de l'année dernière. Et là... Mais de beaucoup d'années, en fait, c'est qu'on a attendu. Mais ils l'avaient déjà fait, ça, ce principe-là, en 2015. Ouais. Ils ne l'ont pas fait en 2016, je n'ai pas trop compris pourquoi. Et ils le refont en 2017, mais bon voilà, après, point à pic. C'est vrai que pas mais une seule fois, j'ai attendu derrière quelqu'un. T'arrives et pouf. L'accès au festoche, les fouilles ont été un petit peu plus drastiques, on va dire. Enfin, pour ma part, à chaque fois, je trouvais ça plutôt cool. Mais bon, j'avais pas grand chose non plus, mais voilà, je trouvais ça bien. C'était rapide, simple, efficace. Pour ça, gros point positif. Point négatif, ça reste quand même l'ombre. Il manque d'ombre. Ah ouais, putain. Là, faut qu'il fasse quelque chose. Là, c'était cette année vraiment que c'était frappant parce que. Pardon. Je meurs encore. On a eu vraiment une canicule et des records de chaleur. Mais il y a eu deux années comme ça. Non. Il faisait ultra chaud. Mais là, c'était un record. C'est 2007, Benadi, je crois. Mais non, il y a eu deux années. Non, 2007, c'était un ton de merde. Non, c'était le contraire. C'était l'opposé total. Okay. Non, là, c'est record historique. C'est ce qu'il y a eu. Je veux pas le savoir. Je te dis qu'il y a eu deux années de suite où il a fait ultra chaud. Là, ok, record, mais il faisait super chaud ces deux années. C'était aussi intenable, quoi. Donc la poussière aussi, forcément, mais il n'y avait pas d'ombre. Il savait qu'il allait faire super chaud. Il y a eu un post une semaine ou deux semaines avant en disant il va faire super chaud en enfer, machin truc. Ouais. Ouais, mais c'est pas à deux semaines du festival qu'ils auraient pu faire quelque chose. quand tu... Ouais, enfin, créer des points d'ombre quand même, quoi. Ils ont fait le Hellfresh, qui était pas si mal. Je mange des bonbons. Ouais, enfin, ils m'ont fait un peu sous les arbres, quoi. Bah, ouais, mais... Non, mais... c'est apparemment... J'ai écouté la conférence de presse de Ben, hein, pour revoir. Ça va être le point qu'ils vont voir l'année prochaine. Voilà. Donc, du coup, pour toi, c'est une édition comme les autres. Enfin, c'est une bonne édition. Globalement, oui. Voilà. Après, tu pourras revenir personnellement sur ton ressenti. Bon, bah, moi, je dois... Eh ben, ça va chier. Moi, je dois quand même bien en parler parce que c'est obligé, mais cette année, j'ai eu la chance, alors pas via le podcast, mais via autre chose, d'avoir une accréditation. Et donc, j'avais pas le même accès et en plus, j'avais un pass photo, ce qui faisait que j'allais faire des photos. Donc, j'ai vécu le festival de cette manière-là et moins comme un festivalier. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus un enchaînement de concerts, pas préétabli, mais j'enchaînais beaucoup plus les concerts, donc je me suis un peu moins posé. Joe pourra en témoigner parce qu'il m'a accompagné le dimanche. Et donc du coup bah, j'ai trouvé que c'était globalement une bonne édition, mais il y a quand même j'ai souffert beaucoup du monde présent. Je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de monde et que je m'étais déjà dit moi qu'en tant que mec qui pouvait passer devant pour aller faire des photos, ça me permettait de voir une chanson bien placée, mais dès que je quittais ça, tu te retrouvais mêlé à tout le monde. Et là, le concert, il y a pas mal de concerts que tu pouvais juste pas regarder à cause du monde, quoi. Et pourtant, il n'y a pas plus de monde. Ouais, ils ont rétréci les tentes. Bah, il n'y a pas moins de monde. Il n'y a pas plus de monde. Il n'y a pas moins de monde. Y a pas... En fait, non, mais ils ont rétréci les tentes. C'est pour ça qu'on n'est plus tassé, du coup. Ils n'ont pas rétréci les tentes, qu'est-ce que tu racontes? Non, parce que j'ai même fait écouter à Jo avant que tu arrives. En fait, selon Ben, il y a eu juste 356 billets en plus de vendus. Ouais, c'est ces chiffres. Eh mais c'est ces 356 là qui étaient tout le temps à côté de toi. À côté de moi. Et du coup, essaye de te déplacer avec 356 pélos à côté de toi. Voilà. Tu ne peux pas. On va tenter le coup là, demain. En fait, il explique qu'il y a eu 180 000. Il y a eu 42 000. Alors, je dis pas de conneries, j'ai tout le temps. 60 000 par jour. Il y a eu, non, 55 000 billets par jour. D'accord. Pour un total de 180 000, il a compté sur les 3 jours. Mais dès jeudi, il y avait 42 000 personnes. Et si tu comptes le jeudi avec les trois autres jours, tu arrives à 220 000. Mais en fait, c'est pour ça que tu as 220 000 personnes de compter. Mais selon Ben, on est sur la même surface de festivalier que les autres années. Il n'y en a pas eu plus. Et je suis d'accord avec toi parce que c'était ce qui me semblait aussi. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde. C'était vraiment bouché, quoi. J'avais cette impression-là. Donc à chaque fois, sous la vallée ou sous la vallée, parce que voilà. Bah ouais, non, mais. On pouvait regarder, comme on disait, enfin, on l'a dit, quoi. On pouvait regarder soit à gauche, soit à droite. On pouvait venir se placer. Je suis d'accord. Et ça le faisait, là, c'était impossible, quoi. Je suis d'accord, pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Est-ce que c'est parce que c'était des concerts populaires et donc il y avait plus de monde? Et les gens venaient plus se tasser devant la scène, ouais. Tu crois? Non, c'est pas. Il faut dire que. Il y a déjà tout l'espace des main stage, ça c'était rempli. Et ça poussait jusqu'à quand même la cathédrale. Ouais. Ça veut dire qu'après les trois scènes, les trois chapiteaux, temple, altar et puis la vallée, c'était rempli. Et quand tu passais à la Warzone, c'était bouché aussi, quoi. Mais donc en fait, la totalité de l'espace était occupée, ouais, mais complet, quoi. Après, et il n'y avait pas plus de monde. Mais y avait... C'est étrange. Non, je te dis, ils ont rétréci le site, en fait. Je te dis ce qu'il a dit dans sa conférence. Voilà, ça, ce sont des faits. Après, de toute manière, en tant que... Si on veut vraiment pousser le truc, en tant que loi de 1901, après, il y a moyen de savoir. Parce qu'ils sont obligés de tout déclarer. Donc, c'est pas... Ils cherchent quoi? À faire battre un record? Non, justement. Parce que vu que pour lui, il n'a pas augmenté le nombre de places, c'est qu'on est resté au même chiffre que l'année dernière. Et je suis d'accord sur le rendu. Alors, est-ce que c'est pas la chaleur qui faisait ça? Qu'on avait l'impression que... Non. Ou est-ce que c'est... Non, t'avais vraiment de l'espace, quoi. Et ben alors, est-ce que c'est parce que c'est les concerts populaires où on était? Moi, j'ai pas vu énormément de... Je dis pas, sur certains trucs, sur certains concerts, bizarrement, où je pensais pas qu'il y aurait tant de monde que ça, il y avait énormément de monde, c'était du grand n'importe quoi. Et sur un concert, où habituellement, je les ai vus déjà deux ou trois fois... dans le passé, et à chaque fois ça a été la bousculade et voilà, ça a été un peu pas le bordel mais presque, et ben là étonnamment cette année j'ai pu regarder le concert tranquille, quoi. Tu vois, dans le même ordre d'idée, regarde, c'est la première fois qu'on arrive à... Enfin, de mes éditions à moi, où on arrive à être là-bas dès les premiers concerts. Ouais. Les trois jours, on a réussi. Alors. Ah, là, écoute. Bah, bravo. Bravo à toi. Mais tu en es toi-même le premier surpris. Ouais, totalement. Et du coup, on a quand même vu que ça se remplissait très très vite. Ouais. Parce qu'il y avait déjà quand même beaucoup de monde, même pour des horaires à... dès 10h30 quoi. Donc, le matin c'était plutôt agréable, moi je trouve. Oui, c'était cool parce qu'il y avait pas trop de monde, mais ouais, tu voyais quand même comme à la vitesse où ça se remplissait. Ouais, dire, ça se remplissait très vite. Dès midi quoi, c'était déjà bien. Bah, disons que oui, c'est vrai que t'allais à la main stage, admettons tu t'arrivais le matin à 10h30, ouais. Pour 10h30, ouais, t'allais à la main stage, tu vois, au concert. Midi, tu finissais le premier concert, déjà tu ressortais, tu dis oh putain, la vache. Voilà, c'est ça. Donc il y a qu'à voir, dans mon souvenir, Ultra Vomi sont passés vers midi. C'est ça, ouais. C'était blindé, ouais. Déjà. Donc, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus qui voir. Ont fait exprès. Je suis d'accord, fallait quand même, c'était rare de voir les main stage vides. Et pourtant, il y a quand même eu des moments où on a réussi à aller voir. Regarde, quand le concert de Skindred, on avait été manger un peu, on a été voir, il y a quand même moyen de rentrer et d'aller voir. Donc je pense qu'effectivement, on ressent le plus de place sur les main stage, mais on le ressent aussi en fait quand tu peux rester loin. Parce que ce qui avait été reproché à l'édition de l'année dernière, c'est qu'à Rammstein, on pouvait rien voir même de loin. Ce qui était un peu vrai, nous on les a vus de très loin, de Rammstein, on avait du mal. Ouais, bah on devait être à... Et ça m'est arrivé plusieurs fois avec Joe de passer pour aller voir les main stage, on était loin, on pouvait quand même regarder de loin. Bah, c'était carrément cool, enfin voilà, t'arrivais à apprécier le concert. De loin, et on était très loin. Bah pareil pour Rob Zombie, c'est vrai qu'il y avait énormément de monde, on a réussi à passer sur la gauche et à se faufiler, tac tac tac, c'était et nickel. Au niveau du son, c'est parfait parce que ils ont reculé des colonnes d'enceinte en plein milieu des main stage, et ça c'est cool quoi, parce que t'as pas d'effet de... de déplacement du son. C'est pour ça que je pense qu'en fait cette année, ce qu'a joué peut-être au niveau du monde, vu que partons du principe qu'il y a le même nombre de personnes, pour moi ce qu'a dû jouer en fait, c'est qu'il y avait déjà une très bonne affiche et qu'en fait il y avait beaucoup de gens dans les scènes annexes. Regarde Alstorm, il y avait vraiment l'équivalent, c'était impossible, il y avait l'équivalent d'une deuxième une deuxième temple en longueur. C'était hallucinant, c'était blindé de chez blindé. Et il y a eu des concerts à la Warzone. Bon, la Warzone, c'est pas la première fois qu'on la voit blindée, même dans sa nouvelle forme. Mais là, quand même, regarde, prenons l'exemple Dilliger et Scatplant. Toi, t'étais tout en bas, t'avais quand même de la place pour voir, alors que c'était blindé partout. Non, on arrivait assez tôt aussi à Dilliger. Nous, il y a eu un concert pour Every Time I Die. On est arrivé, le concert était déjà commencé, on a pu se faufiler, monter et voir la fin. Regarde ce Idol, on a fait le tour, on a réussi à bien se placer. Oui. On était tout en haut. Donc je pense qu'il y avait en fait énormément de monde sous les trois tentes et un peu partout aussi. Et en fait, c'était juste parce qu'il y avait plein de gens qui venaient voir les concerts. Et on a commencé à avoir une... Donc tu voudrais dire qu'en fait, les gens qui habituellement restent plus sur le camping, parce qu'il y a une masse énorme qui reste sur le camping... Il y a plus de gens du coup qui viennent voir les concerts, ce qui afflue énormément plus sur le site. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que. Ah, d'accord, c'est même pas ça en plus. Non, en fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quand même des chances qu'on se soit retrouvé régulièrement à voir des concerts populaires. Et donc, on serait mainstream. Mainstream. C'est le camping. On serait mainstream. je pense. Parce que. Ah, ça me choque. Ben non, mais réfléchis à ces concerts où c'est hyper blindé. Alstorm, c'est un groupe qui cartonne. Clutch, c'est un groupe qui était attendu. C'était blindé aussi. C'est où je te parlais tout à l'heure. Voilà. Et c'était blindé, mais c'était carrément cool. Bah alors, j'avais quasiment un périmètre d'un mètre autour de moi pour regarder le concert. Et Primus, c'était aussi blindé. Il y avait énormément de monde devant Primus. Il y avait beaucoup de connards. Tu parleras de tes amis plus tard, on n'est pas là pour. Mais donc voilà, donc un ressentiment de beaucoup beaucoup de gens, mais apparemment pas plus, selon ce qui a été dit. Tu as déjà annoncé le point positif de la cathédrale, ça c'est bien, c'est vrai que ça a vraiment changé. On a parlé un peu de la place devant les main stage, qui malgré le fait que c'était blindé, il y avait quand même. c'était peut-être un peu moins étouffant quand même, hein, au final. Je veux dire, j'ai pas eu de soucis sur la main stage. Tu vois, donc c'est que ça a marché. J'ai rien dit. Ouais, mais si les gens sont... Il y a des gens qui viennent voir que les main stage, qui restent sur la 1, la 2, la 1, la 2, la 1, la 2. Et ben là, il y avait peut-être beaucoup de gens partis à droite et à gauche. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de concerts vides. Alors que les autres années, j'ai vu des concerts. Le public est beaucoup moins mainstream. C'est, en fait. C'est-à-dire que même en dehors des concerts, j'ai trouvé ça un peu bouché aussi, quoi. T'as pas vraiment de repli, en fait, sur le site lui-même. Ça, c'est pour te poser un peu. Bah, il y a la forêt du Muscadet, ouais. Mais... Elle c'est vrai que bon, y a quand même, t'arrives quand même à trouver des moments à la forêt où c'est complètement libre, quoi. Mais ça va être une fois la nuit tombée, quoi. Ah, c'est déjà ça, oui. Une fois que... Mais après, étonnamment, j'ai regardé aussi pas mal de retours de chroniques de Hellfest. Il y a beaucoup de gens qui commencent que vers le midi, qui arrivent que, genre même que dans le vendredi dans la journée et qui arrêtent assez tôt, en fait. Du coup, les gens font pas forcément des journées aussi longue bah, que des festivaliers lambda. C'est ce que je veux dire. Alors que nous, on faisait quand même des bonnes journées. Quand tu fais 10h30 le matin jusqu'à 2h le soir, bah ouais. Ça fait des bonnes journées. Ah, mais on était. C'est une investigation aussi. Hein. C'est ça. C'est un taf. Hein, voilà. Sinon, on peut quand même noter donc on a eu un record de chaleur, mais il y a eu aussi un record de bière qui a été bu. Ouais. Donc, encore, voilà, tous les ans on va être dépassé. Bah, je pense, bah, là c'était un peu. Et en plus, il y avait eu un autre point qu'il y a à souligner, c'est que dès le samedi, ils ont dû faire des restrictions d'eau. Donc bah, ça a commencé à avoir beaucoup moins d'eau, et donc les gens, je pense qu'ils ont bu de la bière aussi pour ça, quoi. Pour pas acheter de l'eau. Ouais. Des gens, je dépenserai pas mon argent dans l'eau. Donc, Ah oui, ça saoule pas. Après, nous, on n'a pas eu. J'ai pas ressenti cette réduction d'eau, moi. Je l'ai pas vue. Donc, j'ai entendu beaucoup de points positifs sur la qualité des water. Mmh, c'est vrai. Toujours très propre et. Mmh. Voilà. Mais c'était un gros, gros point noir, enfin, les toilettes. Hein, bah. À une époque. Et maintenant, ils suivent vraiment le truc. C'est nickel. Bah, c'est bien, parce qu'il y avait quand même du papier toilette, tout ça. Il y a un autre festival où les toilettes étaient bouchées dès le vendredi soir. Dès le vendredi soir. Ouais. Dès le vendredi soir. Pour pas donner de nom. Non, on va pas. Non, bien, tiens. On va pas. Donc voilà, je pense qu'on peut peut-être faire un petit tour du vendredi, voir les concerts qui vous ont plu ou pas. Rapidement, on n'est pas non plus obligé de. On n'est pas obligé. Bah, n'hésitez pas. Ouais, faut pas hésiter, hein, les gars. Alors, ce qu'on va faire, Joe, c'est que tu vas me redonner ma feuille à moi parce que comme j'ai tout encadré dans ma feuille. Bien. Ah oui. Donc Joe, toi, t'as vraiment passé un petit vendredi. Eh ben écoute, déjà de, on va dire que de 11h jusqu'à midi et demi, j'ai fait la queue au merch. C'est vrai. Et tout ça pour une très très, très dur. Ouais, c'est clair. Il a perdu. Parce qu'il faisait déjà très très chaud. Oui, c'est vrai. Et bon, j'ai bien cru que j'allais jamais arriver jusqu'au bout. Mais c'est un marathon, mon gars. C'était chaud, ça n'avançait à rien, la queue. Bon, après, je peux comprendre, les gens essayent les fringues. Je comprends pas ça. Ah bon ? Bah, je sais pas. Bah, pas là-bas pour essayer les fringues, je veux dire. Dans ces cas-là, il y aura des cabines. Écoute, moi, c'était très rapide, ça m'a pris. C'est ça, tu sais que tu fais duel, tu prends elle, puis j'ai dit, je veux ça. Ah, d'accord, excellent. Bah écoute, toutes les fringues que j'achète sont pas la bonne taille. Donc, c'est toi, t'es bizarrement foutu. Voilà, aussi. C'est ça. Bah, après, moi, j'achète que des t-shirts en M. J'ai jamais pris du L ou du XL ou du S. Donc là, je suis arrivé, j'ai dit, bon, bah, je veux ce t-shirt-là, je veux ça. Puis, je veux le t-shirt. Ouais, je veux, j'exige. Voilà, je veux, j'exige. Hein. Moi, je suis un mec comme ça. Oui. Bah, après, t'as fait la queue une heure, mais c'était réglé. Moi, je l'ai fait trois fois la queue. Hein. Donc, trois fois une heure. Ouais. Il s'est cassé au bout d'une heure. Tu peux dire que je l'ai fait avec vous la queue aussi. Oui, en plus, il a fait la queue un peu avec moi, principalement. Et c'est... Je sais pas si tu l'as fait avec Bob, mais tu l'as fait avec moi et après Bob est venu. Nous, on a fait la queue, tu nous attendais. Et on t'attendait. Ouais. Enfin, il t'attendait que. Oui, une fois que j'avais fait ça, je me suis dit, bon, je peux tout vivre, je peux tout faire. Et effectivement. Sauf que quelques heures après ça, t'étais allongé devant la tente. je faisais le mort. Ah oui, bah tu le faisais vachement bien. Il faisait la planche. Il faisait très très bien. Sur la terre. Sur la terre. J'ai peur de me noyer. Ça va aller. Alors, du coup, alors au niveau concert, est-ce que vendredi, bah, qu'est-ce que vendredi vous avez vu qui vous a bien bien plu et qu'est-ce qui vous a bien déçu et surtout, surtout, qu'est-ce que vous avez manqué avec regret, bien sûr. Edith Piaf. Peut-être. Bon, bah comme personne se lance. Bah, alors... moi, Avatar. Là, je me lance. Avatar, ça m'a vachement plu. D'accord. C'était cool. Dommage, il y avait le tir qui passait en face, mais oui. Je voulais voir ça aussi. Ah, j'ai fait les deux. Il bon, bah, fallait faire un choix et je regrette pas d'avoir été voir Avatar. Qu'est-ce qui m'a déçu hein? Même si c'était du playback. J'ai omis une hypothèse. j'ai entendu un cafouillage musical. Que le groupe avait pas l'air de trop reprendre derrière, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Mmh. Après, je suis peut-être le seul. Non, j'ai entendu aussi. Et que c'était étonnant. Mmh. C'est parce que c'était pas possible que ça fasse un truc comme ça. Bah, ouais. Donc, bon. Mmh. Je dis pas. Écoute, moi, j'étais complètement aveugle à ça. Quoi. C'était dès le début, hein. C'était dans la première chanson. Donc, il y a eu une couille au niveau de la batterie, comme si la bande elle était accélérée un peu. Après, je revenais du merch, donc. En fait, c'est pas Avatar que t'as aimé, c'est l'insolation. C'est ça. Elle était vachement bien, en ça. En fait, il était tellement comme il t'insecte. Bien Avatar. Après ma déception, bah, ça a été Red Fang, dommage parce que c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas abordé. Tu vois, bah, c'est un groupe que j'ai réécouté encore après le Hellfest et j'aime bien. Et là, bah, c'était un problème de son, quoi. C'était dommage. Et bah, totalement, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Alors, mais sauf qu'en fait, le son n'a rien à voir avec le groupe en lui-même. Là, non, c'est, parce que justement, moi, j'ai adoré ce concert. Moi, je l'adorais. Mais je pense que ça dépend vraiment de l'endroit où tu te plaçais. Parce qu'il y a un endroit où le son était horrible et dégueulasse, et il y avait un endroit où c'était pas du tout pareil. Mais je trouve que les mecs, ils en voient encore. Quoi. C'était trop fort. Alors ça, c'est le point que je voulais noter, c'est que le son du vendredi était trop fort, mais partout. Partout, ouais, il était partout. Ouais. Donc tu sortais de la vallée, t'entendais la main stage comme si t'y étais, quoi. C'était vraiment trop trop fort. Donc c'est pas vraiment la déception du groupe, c'est la déception de ne pas pu avoir pris ton pied devant. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Et ben du coup moi après on va revenir sur les concerts manqués. Je dirais bah je suis hyper content d'avoir vu Tyr, même si j'en ai vu qu'un bout parce que du coup j'ai commencé sur Avatar. C'était très très bien, c'était mieux que je pensais en fait. J'avais peur que ce soit un peu plat en live, mais en fait la musique arrive à pallier ça et c'était vachement bien. J'ai beaucoup aimé Booze and Glory, alors que j'étais pas spécialement parti pour les voir. Ah bah si, je suis obligé de faire ce petit point. Dans les chroniques que j'ai faites tout au long de ces différents épisodes, il y a quasiment tous les groupes auxquels j'ai dit non, je n'irai pas les voir, je suis allé les voir. Du coup, j'ai vu Sick of Stupidity, j'ai fait mon premier concert de grindcore. Chanson lyrique. Voilà. Et j'ai trouvé ça sympa, très sympa en concert en fait. C'est beaucoup mieux en concert qu'à écouter ailleurs du coup. Et sinon, comme j'ai. Beaucoup de groupes en même temps. C'est ouais. Plutôt cool. Bah, inversement, il y a des trucs que tu peux écouter en CD que t'as pas du tout envie de voir en live en fait. Des trucs calmes. Comme... Ah oui. Tu sais, genre des trucs. À Soud. À quoi? À Soud. Non, pas ça. Ça pourrait, mais ça. Et du coup, bah, Alstom c'était bien, mais trop de monde. Bref. Tagada Jones c'était très très bien, j'ai trouvé. C'était un bordel. Ah ouais, c'était trop. C'était top. Entre la poussière, le public qui n'a rien lâché. Déchaîné. Vraiment, non, c'était. La Warzone était en feu pour le coup. Et par contre, grosse déception de. Il a fait chaud à ce temps-là. Ouais, de Leftover Crack. Il a fait chaud tout le temps pour toi. Ouais. C'était un peu trop. C'était, ouais, Leftover Crack, grosse déception parce que j'avais pas du tout pour le coup l'impression de voir ce que j'avais écouté. J'ai pas du tout. Ouais, c'est pareil. Enfin, moi j'ai pas aimé déjà à l'écoute. Voilà, donc du coup t'as pas été. En live, en full. Ouais, non. Et j'ai trouvé ça génial. Toi aussi, Joe, il me semble que t'as pas trop. Non. Ouais. Et toi, Bob, si tu peux. Non, une seconde, tu pouvais passer une bière, je m'en fous de ce que tu veux dire. Quel. Renard, quel renard. Renard, chenapan. Sale fripo, il sacré vaut rien. Merci bien. Ah, et voilà, ça c'est pour moi. Cadeau. Et allez, vas-y. Donc du coup, bah ça sert à rien, donc on passe au samedi. Non, vas-y. Dis ce que tu... Dis ce que t'as à dire. Voilà. Ah, oui, bah oui. Ouais, excusez-moi, je fais dormir. Pour ma part, bah, mon premier concert, je crois que c'est Inglorious. Bah oui, oui. On a vu si je me trompe pas. Tout à fait. Bon, bah voilà, quoi, après... ça m'a pas transcendé plus que ça. J'ai été agréablement surpris par The Decline, par contre après j'ai été vite fait faire un petit tour sur la Warzone. Et ouais, agréablement surpris par The Decline, je suis resté jusqu'au bout. Petit groupe de punk, plutôt sympathique. Bah après on est resté devant Leftover Crack, voilà, j'ai pas été déçu. T'as dû voir Booze and Glory aussi, hein. Non. Ah bon? Non, j'ai pas vu Booze and Glory justement, j'étais parti où moi? Betrayal and the Martyr. Non, je ne sais plus où j'étais. Ah bon, d'accord. Qui pissait, même. Non, j'ai pas vu Booze and Glory parce que justement j'ai fait un petit... parce que t'es resté avec nous à Round City le soir. Ouais, c'était d'ailleurs. Et en fait, il y a le clavecinisti de Booze and Glory, j'imagine. Enfin, c'est même pas que j'imagine, c'est qu'il y avait un mec au clavier dans Booze and Glory. Non. Non. Bah, il y a un gars de Booze and Glory qui est venu filer un petit coup de main à Rancid au clavier. D'accord. Donc, je trouvais ça plutôt sympa. Et c'est là que je te dis, bah, justement, t'auras vu un petit peu de Booze and Glory. D'accord. Blague. Bah, t'as eu Jones, forcément. Génial. Avatar, que j'ai bien aimé. Sympathique. Ah, ça t'a pas plus que ça? Si, mais après. Ouais, non, enfin, j'ai bien aimé. Voilà. J'ai pas de réel ressenti qui vient du cœur. J'ai bien aimé. C'est bien. J'ai apprécié le concert. Red Fang, bah, trop fort. T'as vu Helmet aussi, normalement, non? Helmet, ouais, mais de loin. Ouais. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup trop de monde et du coup. J'étais parti. Bah, on revenait d'Avatar en fait. Ouais. Donc tu vois, Helmet, j'ai essayé et puis en fait, ça ne l'a pas fait. Mais je suis resté sur quelques morceaux quand même. Et c'était, ouais, j'ai bien aimé. Sympa aussi. Tac, bah, Rob, à la fin, forcément. Rancid, par contre, je sais pas ce qu'avait le chanteur. Il devait être à moitié pété ou je sais pas. Ah, oui, c'est vrai que bon, ils avaient l'air fatigués. Ouais. Bah, le gratteux, lui, à la rigueur, ça l'a fait. Quoi. Nickel, c'est lui qui a pris la relève aussitôt, voyant que le chanteur était. Tangent limite dans l'incapacité de chanter. Et du coup, il a repris, mais j'étais content de voir Rancid, même si bon, bah, ça a été un peu bordélique, mais voilà. Ça m'a pas choqué, moi, ça m'a pas choqué. Ouais, toi, t'étais dedans. Y a rien qui t'a choqué, toi, en fait, c'est ça qui est bien. En fait, la Warzone a été bordélique souvent, en fait. Bah, je pense que c'est la tente qui s'y prête, enfin, je veux dire, c'est le coin qui s'y prête, quoi. C'est la Warzone. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Comme dirait Ultra Vomit, quand il se passe quelque chose sur scène, bon bah voilà, faut que ça reste un peu humain. Quoi. Mm-hmm. Voilà. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Hein, sur avec ses frères de métal. Et Rob Zombie, non, génial. Bah, j'ai vu que de loin, moi, Rob Zombie. Je sais pas. Ah, non, on a réussi à s'approcher. Ah, j'étais avec toi hier. Et ouais, moi, show, tu vois, c'est ce que j'arrivais pas trop à écouter en CD et là sur place on rentre un peu plus dans l'univers. C'est ce que j'avais dit, moi. Ça, ouais. Bah, c'est un truc que là ça devient carrément cool. Pardon, il avait du mal quand on arrivait. Il avait l'air un peu il souffrait, le pauvre vieux. Mais à chaque fois ça lui fait ça, puis mais il est tout le temps en train de gesticuler dans tous les sens, ce mec là. À chaque fois que je l'ai vu, à chaque fois il y a toujours ces trois estrades. Et vas-y, que je bouge d'une estrade à l'autre, il arrête pas. Donc en même temps, c'est un peu comme les Spice Girls, tu vois. Après, visuellement, ça avait l'air d'être très très sympa, mais c'est vrai que c'était sympa, ouais. J'ai merdé entre deux, donc je sais pas. Bonne lumière et tout, il y avait du bleu. Ouais, j'aime bien le bleu. Ouais. Et du coup, maintenant, on va passer au groupe que vous avez été un peu. Bah, que vous auriez aimé voir et que vous avez pas pu voir, du coup, pour X ou Y raison, mais c'est juste pour. Moi, j'ai personnellement entendu énormément de retours sur BMOS en disant à quel point c'était bien. Donc du coup, je fais zut. Bah, oui. C'était l'apéro. Ouais, c'était complètement l'apéro. Alors là, c'est exactement ça. J'aurais bien aimé jeter une oreille sur Deep Purple, mais j'étais... à l'apéro. Presque. Oui, je suis quelque part, c'est ici. Si. J'aurais bien aimé aussi Sabaton, parce que tout le monde a encore dit aussi que c'était un putain de concert. Ouais, c'était festif et tout. Non, mais la batterie était sur un char, il y avait beaucoup de trucs. Moi, j'ai vu un peu de Sabaton. Ah bon, t'as vu toi? Ouais, c'était carrément cool. Bah, pourquoi c'était, tu dis cool, pas, toi? T'as vu Sabaton et tu dis pas? Ouais, j'ai regardé une demi-heure. Putain, mais il nous dit rien, lui. Mais il se cache bien de tout ça. Une demi-heure de Sabaton. Mais il a parlé de savoir ce qu'on en pensait aussi. Ouais, mais et donc c'était. Alors, est-ce que ça ressemblait à ce que t'imaginais dans le côté festif? Ça y est, il a compris. Voilà, bon, mais donc ça t'a bien plu quand même? Ouais, c'était pas mal. Ok, moi j'ai pas vu. J'ai bien aimé. Bon, à vous pour les concerts que vous avez pas vus et que vous auriez aimé voir. Tire, ouais, à cause d'Avatar. Ouais. À cause. T'es de bonne faute. Deep Purple, j'aurais bien voulu y voir quand même. J'ai vu un petit bout. Ouais, moi aussi. Mais la toute fin, parce que bah, voilà, juste avant, on était à l'apéro. Quoi. C'est ça. C'est le problème de l'apéro, ça. Ouais. Rien d'autre ? C'est bien, les gars. Bah, moi, Corvus Corax. Ah non. Ah, j'aurais bien aimé voir un peu quand même. Les Monster Magnet, t'as vu ou pas ? Bah, je les ai déjà vus plusieurs fois, donc après, ça m'a pas dérangé de les louper. D'accord. Parce qu'il y avait Rancid et du coup, Rancid, Rob Zombie, donc je me suis dit, bon, allez. Encore vu Scorax. Ah si, si, si, il y a un autre groupe que j'aurais aimé voir parce qu'en fait on l'a tous entendu de loin, on s'est dit, c'est pas mal, c'était Texture. Oui, exact. Texture, oui. On a dit, putain, c'était avec toi qu'on s'est fait la réflexion, ouais, exact. Tu dis, ça c'est bien. Ouais, moi, ouais. Et moi je te dis, ouais, mais c'est bien, mais on faisait la queue au merch. Ouais. C'est ça, donc on a vu, oui, mais que de loin. Exact, oui, tout à fait. Oui, ça sonnait bien. À noter. Donc non, Joe, rien d'autre ? Non, c'est bon, je fais le tour. Bob, pareil ? Bah non, Ministry, j'ai vu un peu de loin, mais bon, bah après, j'ai un peu laissé tomber l'affaire en me disant, c'est trop tard. Et voilà, et Alstorm, j'aurais aimé profiter plus du live. Bah ouais, mais. Aussi, mais on était trop loin. On était trop loin, il y avait trop de monde, mais pourtant les gens se sont déchaînés, quoi. Ouais. Le mec, on fait du rameur. Mec, on fait du rameur. Oui, exact, il y avait une file de personnes. Mais ouais, non, après le concert était sympa quand même, mais j'aurais aimé être plus près. À l'instant, c'est vrai que tout le monde a vécu son truc à fond, quoi. Tout le monde connaissait vraiment. Bah là, tu vois, là pour le coup, là c'est festif. C'était que des fans, quoi. Là c'est festif. Là on est dans la festivité. Là. T'as vu la vidéo, non, des membres d'Alstorm qui partaient sur le camping au Grass Pop? Ah non? Qui se saoulaient avec les mecs du camping. Carrément. Ouais. Tous les membres d'Alstorm sont partis sur le camping. Ah, mais c'est vraiment, ils ont des histoires. Ah, bah, je me suis retrouvé un peu au milieu des fans. Ah oui, j'étais un peu comme un con parce que je fais pas copain d'Alstorm. J'avais écouté une fois, quoi. Tu t'es dit, je suis pas un pirate. Tu fais ça, au moment du refrain, tu fais drink, tu dis bière, c'est sympa pour toutes les chansons. Non, mais c'est vrai que c'est... Oui, mais du coup, en même temps, on en revient toujours à cette même théorie de... Ok, il y avait trop de monde, mais en main stage, est-ce que ça serait intéressant de les voir ? Storm, ouais. Par exemple ? Oui. Bah non. Non, donc, comme Red Fang, c'est pareil. Tu vois, là, ça fait deux fois où ça le fait pas. Bah ouais. Ça fait chier, quoi. Oui, mais là, c'était la dernière fois, ça le faisait. J'adore pas. J'adore Red Fang. C'était en main stage. Mais moi, ça l'a fait. Mais le son, à chaque fois, tu vois, le problème, c'est le son. Ah, mais moi, ça. Enfin, je voyais bien que le son était pourri, mais je voyais quand même tellement ce qui se passait sur scène qui était bien que ça m'a. Mais les mecs étaient déchaînés, oh, ça. Putain. Je l'ai trouvé vachement plus heureux d'être là qu'en main stage, justement. Ouais. Alors que bon. Bah, bien sûr, parce que voilà. Ok. Moi, justement, quoi, c'était. Donc, je pense qu'on peut passer au samedi. Bon, là, Joe, le vendredi soir, t'avais été plus calme. Ouais. Donc, ça allait mieux. Donc, du coup. Tu as pu attaquer le samedi matin sereinement. Voilà. Avec une petite phrase qui m'a glissé dans la journée qui était: je sens que ça va mieux, je vais pouvoir remettre ça ce soir. c'était une phrase pleine de promesses. Pleine de promesses. Et il les a tenues ? Bah, attends, ça va arriver après. Ah oui, d'accord. Surprise. Du coup, le samedi matin, rebelote, on y était dès 10h30 sur le premier concert. T'as une feuille ? Bah, j'en ai qu'une feuille de samedi. Ah, donc, bravo. Allez. Bravo, le partage. Donc c'était ouais, bah moi j'ai enchaîné sur les main stage. J'ai fait que ça de 10h30 jusqu'à 13h. D'accord. Et donc bah quel concert t'as bien plu et Jared James, The New Roses, Sly Digg, The Dead Daisies. J'ai été déçu. Ouais. J'adore. Dommage, je m'attendais à. Dommage, j'ai bien aimé. Quel concert t'as bien plu ? Alors ça et ça, eh ben, j'ai pas aimé. Ça, c'est... D'accord, t'as été déçu, ok. Et c'était des groupes que voilà, je voulais aller voir parce qu'à l'écoute, à domicile, je trouvais ça cool. Quoi. Et en fait, sur les main stage, bah, non, j'ai eu du mal à prendre. C'est que j'ai une théorie sur les main stage. Que la distance... Ah oui, du coup, il faut que je lance la théorie, ça marche pas. Pour moi, j'ai l'impression qu'on arrive à moins bien rentrer dans le concert parce qu'il y a une certaine distance qui se crée entre, bah, même entre le groupe, le son et le public. Et du coup, en fait, bah, t'as moins l'impression... Ça me l'a fait sur énormément de groupes en main stage. J'avais l'impression de regarder un truc, mais d'être extérieur à la chose. Alors que quand j'étais sous Temple, Altar, même la Warzone ou la Vallée, j'avais vraiment l'impression d'être dans le concert. Ah, Là, le truc, c'est que ces quatre concerts-là, oui, pardon, c'était vide. Il y avait personne. Il y avait vraiment personne, quoi. C'est sûr, si tu étais tout seul, les mecs, ils ne mettent pas se la donner. Les mecs, ils disent Joe, on t'aime bien, mais le cœur n'y est pas. Excuse-nous, il n'y aura pas de rappel. Ah, voilà, après, une fois que, que j'étais en main stage, bah, je voulais enchaîner avec Ultra Vomit. Bon, après, c'était cool, vu qu'il n'y avait personne, je suis resté devant les barrières. Ah, ça, Ultra Vomit, ouais, c'était cool. J'ai eu ma place devant les barrières, c'était bien cool. C'est vrai. Et. Ah quoi, donc Ultra Vomit, ça m'a remis la pêche. C'est clair. D'accord. D'autres trucs que t'as bien aimé dans la journée? Alors, faut que je refasse le tour. Frank Carter, c'était vachement bien. Ah bah non, mais c'est à Frank Carter que t'étais allongé. Ouais. Ah bah donc c'était donc pas le vendredi en fait, c'était samedi. J'ai loupé Frank Carter. Ah, oui. Mais donc t'as eu un coup de chaud alors. Bien chier, ouais. Mais c'est ça, mais oui, mais non, mais t'as eu quoi? T'as eu un coup de chaud? Tu nous as appelé, ouais, j'ai refait un coup de chaud. Bah c'est les main stages. Ouais, en fait après j'ai dégagé des main stages et je suis allé voir le Muscadet Temple Altar. Pour te mettre au frais. J'ai été voir Nails et Rebalter. Ah oui. Et puis après ça, terminé. Il n'y avait plus de Joe. Il n'y avait plus de Joe. Joe est tombé. Ouais, c'est ça. Joe, il s'est assis. Par terre. Et Niles, t'as aimé ou pas? Ouais, ouais. C'est, tu vois, j'étais surpris. Ouais, ça, c'est casse des dents, casse des genoux. C'est casse tout ce que ça peut, Niles. Hein. C'est rentre dedans. Tu vois, c'est... C'est la violence. Ouais. Comme les Rebalter. C'est eux qui étaient la violence. C'est eux qui étaient la violence. Ouais, d'accord. Ouais, pardon, on t'a coupé... Vas-y, ouais, ça fait partie des groupes que tu vois, j'avais du mal, et puis bah, sur place, c'est au ça. Top quoi. Donc, oui, alors Frank Carter, c'était juste génial, c'est pas grave. Je veux dire, voilà, le mec est une bête de scène, le mec était bah, content d'être là. T'aurais halluciné. À la limite, le mec que j'aime le moins, c'est le bassiste. Il me saoule un peu, moi. Le gros monsieur. Ouais. Ouais. Pas parce qu'il est gros, hein. Parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'éclate moins que les autres quoi. Ah ouais, bah il se concentre, qu'est-ce que tu veux. C'est compliqué la basse. Bah peut-être. Non, mais l'ambiance était folle. Alors moi je l'ai vécu comme ça. J'ai vu le début du concert où Frank Carter a reçu des pichets vides sur scène. Et après, il est parti monter, marcher sur les gens pour expliquer qui c'est qui domine. Qui c'est qui est le chef. Après, c'est un truc qu'il fait dans beaucoup de concerts. Non, mais. Quoi, je préférais le dire avant quelqu'un d'autre. Je dis pas qu'il a fait ça exprès, mais d'habitude il attend plus. Là il l'a fait direct. Ouais. Comme histoire de dire ok, là faut imposer le style. Et du coup, bah, il a eu gagné le respect du public parce qu'après le public était complètement à sa cause. Et ils ont fait des circle pit autour de la console de son. C'était n'importe quoi. Et l'invité hein, qui se mettait de la crème. Ouais, vas-y. Non, il est en train de réclamer un circle pit là, ça va pas le faire. Monsieur. On est loin. Ouais. Ouais, là, je suis un peu vert. Tu vois, là, je suis déçu, mais de moi. Quoi. Ah, mais c'était vraiment bien. Ouais, vraiment. Vraiment, je crois que c'est pour moi le meilleur. Ah, la claque du week-end. Ah, bah c'est un des meilleurs du samedi, c'est sûr. Ouais. Attends, je vais voir, il y a qui d'autre le samedi, mais c'est vrai que. Bah, il y a d'autres choses que tu. Parce qu'il m'a étonné en fait. Tu t'attendais pas à ça? Bah non, mais c'est ce que j'avais dit pourtant. Bah oui, mais tu l'avais dit, mais c'est bien de le dire et de le vivre aussi. Ah oui, mais tu vois peux aussi des fois dire, ah, effectivement, Jack, il l'avait dit plusieurs fois quand même. Que c'était je me rappelais pas en fait, parce que je t'écoutais certainement pas. Voilà, c'est ça. Pourtant, j'ai pas arrêté de le dire. Frank Carter, c'est trop bien. Ah, mais Frank Carter. Je t'écoutais souvent. Mm-hmm. Ça doit être pour ça. Mm-hmm. Et du coup, non, franchement, il est. Ouais, il m'a surpris quoi. Il sait qu'à comme Tagada, c'est pareil. Bah ouais, pour tout ce que Tagada, t'étais pas chaud pour aller les voir. T'avais dit je les ai déjà vus, c'est bon, je connais machin. Ouais, mais justement, j'avais envie de voir rester parce que déjà, bah, ils sont français, parce que bah, j'ai réécouté vite fait avant d'aller au fest. Et t'as dit putain, c'est quand même, ouais. C'est cool. Et du coup, je suis resté et j'ai pas déçu du tout, quoi, parce que. Ah ouais, non, ils ont assuré. L'anarchie. C'est clair. Génial. Donc, d'autres concerts du samedi, le soir, t'allais un petit peu mieux parce que ouais, je sais pas quelle heure je suis revenu. Bah, t'es revenu après, par là, t'es revenu parce que. Ouais. Ça pour, j'étais voir Primus. Ouais. Donc j'ai pas été voir Herbourg, moi qui voulais aller absolument. C'est vrai. Ouais. Et après, j'ai été sur Apocalyptica, donc retour au main stage, et super content. Ouais. Et ouais. Ils avaient carrément leur place sur la main stage, ça leur allait très bien, je trouve. Là, pour le coup, c'était génial, vraiment. Moi aussi, je voulais pas trop y aller, on est passé par hasard, parce que j'étais avec toi, ouais. Et on s'est arrêté, on a regardé jusqu'au bout. Et comme, comme je t'avais expliqué, Bob, vraiment les mecs se sont donnés. Alors, ils ont fait énormément de reprises de Metallica, donc enfin, nous on est arrivé à ce moment-là. Peut-être qu'avant ils ont joué de leurs morceaux à eux. mais au violoncelle par terre, quoi, taper dessus à la fin, mais vraiment se donner à fond, quoi. Et c'était rien à voir avec le concert que j'ai vu l'année dernière au Download, je les avais trouvé bien mais mou. Là, j'étais vraiment à fond et c'était top, c'était vraiment bien. Et j'y croyais pas. Voilà. Du coup, on a repris une bière. Ouais, on pour y croire. Ouais. Ouais. Et puis après. Après, j'étais voir Slow Burn. Mm. Et j'ai fait un tour sur OPS, je crois. Ouais, ouais. C'était bien, OPS. Ouais, c'était carrément bien. C'était top. Et après, bah, Suicidal Tendencies. Qui a tout déchiré aussi. Qui a tout déchiré. De souvenirs, par contre, quand on était arrivé sur Slow Burn, tu m'as dit que musicalement, ça a été le meilleur truc que tu avais entendu pour là, sur le début du week-end. Mais tu t'en souviens peut-être pas. Ouais, peut-être. Bah après, c'est vrai qu'on a vu tellement de choses. Que... Alors où c'était, à mon avis. Voilà, il n'y avait ouais, pas que mais ça. Moi, j'ai vraiment été agréablement surpris par Slow Burn aussi. Hein, vraiment. Ouais, même. Et encore, apparemment, c'était pas sa meilleure prestation. Non, parce que je l'ai senti gêné par quelque chose. Bah, il avait un problème de retour de son. Ouais, il avait au début du ouais. concert, il allait remonter un peu parce qu'il ne devait pas entendre les retours. Du coup, alors, bah, moi, le samedi, j'ai commencé par Los Dissidentes del Sucio Motel, que j'ai trouvé très très bien. Mmh. Et ça passait super bien le matin comme ça au réveil. C'était top. On était à l'aise en plus. Ouais. Après, j'ai enchaîné avec Verbal Razor, que j'ai trouvé aussi très bon. Les petits français qui font du crossover sur la Warzone. On était avec toi, ouais, je crois. Ouais, t'étais avec moi. Oui, on est parti. Après, j'ai été voir Carcarias, qui était sympa. J'ai été voir Monarch, faut que ça brasse Tabernac. Oui. Et du coup, bah, je pense que je suis pas fait pour ce style de musique, parce que j'avais envie de rigoler quand je les voyais. Mais malgré tout, c'était pas désagréable à écouter, en fait. Mais c'est plus ce côté maquillage et mecs qui font des poses pour essayer de te faire peur, qui était un peu... Ça marchait pas. Mais moi, oui, donc, oui, voilà, oui, mais par contre, j'ai trouvé ça pas du tout désagréable. Contrairement à ce que j'avais écouté qui m'avait un peu refroidi, là, c'est ultra vomi, top. Du coup, ça marche très très bien en main stage et ça doit aussi bien marcher en plus petite salle des fêtes. Voilà. Phil Campbell m'a laissé un peu plat. Oui, bon après, c'était plutôt cool. Donc Frank Carter, c'était top. Seul Work m'a un peu déçu, moi. En fait, j'étais hyper pressé de les voir. C'est même, je crois, sur l'affiche, un des rares groupes où j'ai dit « Ah putain, trop bien, j'ai envie de les voir. » Et en fait, au bout d'un moment, j'ai regardé ma montre et je me suis dit « Tiens, il reste 40 minutes. » Oh non, c'est trop long. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils m'ont déçu. Parce que ta montre annonçait 40 minutes ? Non, parce que je voyais qu'il restait 40 minutes de concert et j'ai pas voulu attendre 40 minutes. De plus. T'étais devant et tu t'es dit, oh, il reste 40 minutes. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Donc, ça t'a gagné en fait. Bah, je pense. Ah merde. Bah, ouais. Ah, je suis déçu pour toi. Bah, c'est pas grave, mais. Non, mais je pense qu'on. J'ai été voir Primus et moi, mon problème, bah, ça a été que bah, je suis pas du tout rentré dans le concert. Je trouvais que la setlist, le choix des chansons, soit n'allait pas, soit c'est lui qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans ce concert. J'ai pas réussi à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Opès, je suis. J'ai vu qu'une chanson ou deux chansons avec toi Joe, et deux, trois, je sais plus. C'était top. Je pensais pas que ça allait être aussi bien parce qu'ils ont directement créé une ambiance en 2-2 et parce que musicalement c'est top quoi. Slow Burn, on a bien aimé. Et après j'ai été voir Death Heaven et c'était comme je pensais quoi. C'était top aussi, une bonne grosse surprise. Et puis j'ai fini avec vous tous sur Suicidal Tendencies, le public est monté sur scène. C'était top. Ouais. De Warzone en feu, encore une fois. Super ambiance, top. Ouais. Voilà. J'ai vu Aerosmith 30 secondes de loin, ça avait l'air bien. Moi aussi, je les ai vu 30 secondes de loin. Ça avait l'air bien. Ben oui. Je le mettrai dans la liste que j'ai pas vu et que je regrette. Vas-y, toi. Fais les concerts. Avec Steve Wonder, c'est vrai. Ouais, bah vas-y, fais la liste. Ouais, c'est tout pareil. Los Dissidentes, hein, forcément, on était ensemble. Verbal Razor, je crois que c'était pas trop mal, si je me rappelle bien. Ouais, je me rappelle pas, justement. J'ai voulu voir Insanity Alert, j'ai attendu, et en fait, il y avait Ultra Vomit, alors du coup, on n'a pas trop eu le temps. Je me revois assis avec mon ombrelle. Ouais, mais il y a Ultra Vomit. Ah, fait chier, il y a Insanity Alert aussi. Mm. Histoire de les soutenir un peu, quoi. Bah ouais. C'était des petits gars qui disaient qu'ils étaient contents d'être là, machin. Donc, du coup, on est descendu voir Ultra Vomit, forcément. Qui était content d'être là aussi. Qui était content d'être là aussi avec ses potes de métal. Après Ultra Vomit, ouais, on est passé vite fait voir Phil Campbell. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais, C'est bien, mais en plus. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. ça passe en concert, quoi. Je, c'est, voilà. Ensuite, ouais, on a été voir Nails. On est passé devant Nails, on s'est arrêté. Et ouais, effectivement, c'est brutal. Hein. C'est violent. C'est la violence violente. Et vous savez tous ce que je pense de la musique violente. C'est vrai que c'est pas faux. Blood Ceremony, je crois qu'on s'est arrêté. Ah, j'ai vu de... ouais. Non, t'as pas vu, toi. Non. Toi, t'as vu, ouais. Ouais, j'ai vu, ouais. C'est celle, elle a une flûte. Elle est flûtiste. Oui, c'est voilà. Toi qui as vu. C'est moi. Ouais. Et c'était très sympa. Mais oui. Très sympa parce que complètement en décalage, du coup. Mais vraiment. Mais non, parce que Mathieu voulait voir. Et du coup, on n'a pas vu. Bah non. Parce que vous étiez à l'apéro. Mais je ne sais plus. Parce que je sais. Ah, on était retourné. Parce qu'on était devant Nails et on est reparti, je crois. Ouais. Et on a attendu un peu trop longtemps. On dit, ouais, il y a Blood Ceremony. Ouais, on y va. Bah, c'est trop tard. Et du coup, c'est trop tard. Hello, Joe. Hello, Jack. C'est un peu. Donc, et ben, Frank Carter, forcément, parce que Steel Panther était en même temps. Voilà, Frank Carter. Voilà. Au moins, c'était le bon. Oui, oui, oui, oui. C'est sûr. J'ai été voir Trust. Non. J'ai loupé tout ça. Ça m'a fait chier. Parce que attends, c'est pas les groupes que tu fais qui te fait chier. Moi, j'ai pas dit les groupes que j'ai ratés. Ah oui, d'accord. C'est ça que tu voulais voir. Mais oui, tu dis que les groupes que t'as aimés. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Hop, hop. Bah, forcément, Primus. J'ai été les voir. Je peux dire que ça m'a fait chier. Tu peux dire que ça t'a fait chier. Ouais. Parce que t'as été les voir. Parce que j'ai été les voir. Et du coup, déçu. Non, mais oui, mais il y a d'autres trucs qui t'ont fait chier dans Primus. Ouais. Bah là, tu peux le dire. Déçu de. Ah oui, je peux le dire. Là, maintenant, tu peux, ouais. C'est un des points noirs pour toi qui a été sur ce festival. Ah, le gros point noir. Bah là, tu le public en lui-même. Oh, ouais, oh. Ouais. On en fait partie, mec. Non, non, mais le public de tous ces tâcherons qui vont pogoter et slammer sur Primus, quoi. Oui, mais alors. Non, c'est indéfendable, ça. Je suis désolé. Ah, je sais pas, tu peux pas dire du oui, mais alors. Non, alors, y a pas de oui, mais alors. Alors, je retire mon oui, mais alors. Ouais. Et j'ajoute un. Il se trouve. Que j'ai entendu. T'as intérêt à avoir bons arguments. Non, c'est pas un argument, c'est d'autres points de vue que j'ai entendu justement dans toutes les recherches que j'ai fait ces derniers jours pour préparer l'émission. Parce que moi, je fais mon boulot, mais on n'est pas là pour apporter. Oui, c'est ça. Il se trouve en fait qu'il y a des gens qui, pour eux justement, ont dit que c'était ce qu'ils avaient aimé dans cette édition 2007 du Hellfest, que des gens slamaient et faisaient des pogos sur tous les styles et sur tous les trucs pour bien montrer que. C'est complètement con comme argument. Et j'ai pas dit que c'était. C'est même limite stupide, quoi. Alors, ça veut dire quoi ? Il y en a pas eu sur Opeth, hein, si c'est ça que tu veux savoir. Oui, non, je veux dire, même sur Rockwind, à la rigueur. On va slammer et pogoter sur Rockwind. Wouh ! Et oh, la table n'est pas. J'ai pas fait exprès, désolé. Alors, bon, je suis d'accord avec toi que sur Clutch, ça n'avait rien. Sur Primus, ça n'avait rien à faire. Bah ouais. Je suis d'accord. Et ça m'a totalement gâché mon concert, quoi. Parce que moi, j'étais venu pour voir Primus, comme tu l'as dit. Le set, ou je sais pas, il y avait un truc qui prenait pas. Oui, mais c'est pas le public pour moi. Il y a le public. Ah non, mais en plus. En plus, voilà. Ça, c'était en plus, tu vois, du truc. On est d'accord qu'il y a autre chose qui t'a déplu dans le truc. Ouais, je sais pas, il y avait un truc qui prenait pas. Avec Primus, ça a pas. Je les ai pas sentis là. Tu vois. Je les ai pas sentis avec le public. Moi, l'impression que ça m'a donné, c'est qu'ils ont fait leur set, et basta. Tu vois. Ils sont venus, ils ont joué, et ils sont partis. Il n'y a pas eu de contact réel avec le public. Quoi. Il a parlé. 10 secondes avec le public, vite fait, quoi. Après, est-ce que est-ce que tu n'avais pas trop d'attentes par rapport à ce concert aussi, peut-être ? Non, parce que je sais que Primus, en général, c'est un mec Les Claypool qui partage beaucoup avec son public et qui parle, qui... Voilà. Et là, ils ont joué que leurs morceaux, tac, tac, tac, tac. Et si, il a mis son masque de cochon pour jouer Pork Soda, quoi. Après, voilà, j'étais super content de me dire, ouais, enfin, ils ont joué beaucoup de morceaux sympas, Jerry Was the Worst Car Driver, ou My Name is Mud, ou voilà, des morceaux bien connus, mais je les sentais pas là, quoi. Moi, j'ai trouvé que les lumières étaient dégueulasses, et que tu voyais, t'avais beaucoup de mal à voir ce qui se passait sur scène aussi, je trouvais. Entre le mélange des écrans et tout ça, moi, j'ai trouvé ça très très bizarre comme concert. Je suis peut-être aussi assez d'accord avec toi parce que étant fan de Primus pas de la première heure mais depuis très longtemps et bah forcément j'ai vu pas mal de concerts, pas mal de on a acheté le DVD où il y a pas mal de live, il y a pas mal de concerts tout ça et du coup oui c'est vrai sur ces concerts là que j'ai vu mais c'était dans les années 90 donc quasiment à leur début tu vois donc je crois qu'ils ont commencé en 88-89 je crois un truc comme ça. Donc ils donnaient leur meilleur concert dans les années 90, soit début 90, et c'est vrai que là, à ce niveau-là, ils étaient géniaux. Et du coup, oui, c'est vrai que... Bah... Mais je pensais qu'ils les changeraient plus, qu'il y aurait un contact plus... Moi, je pense que ça, c'est peut-être un problème de aussi de cette liste ou je sais pas. Est-ce qu'il... De temps, peut-être. Ouais, peut-être de temps. Mais en tout cas, ça... je suis resté sur ma fin. Quoi. D'accord. Dommage. Et donc. Et Slowburn. Voilà. Bah, Slowburn, c'est pareil. Enfin, pas pareil. J'ai adoré le concert, vraiment musicalement génial. Enfin, voilà. Ça l'a fait super. Mais quand tu regardes le concert et que tu vois John Garcia, qui... tu le sens pas là non plus spécialement, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Bah, moi ça me fait chier et du coup ça me pourrit un peu le truc. Je me dis merde, qu'est-ce qui se passe quoi. Pour qu'il soit pas. Il était pas présent, tu vois. Non, je suis d'accord, on voyait bien qu'il était agacé par son oreillette et tout. On voyait bien qu'il y avait un retour de son. Et pourtant, il chantait. Il avait super la tête basse. Bien, musicalement, c'était super bien, ça passait vraiment bien. Et puis même, c'est un putain de chanteur quoi. Mmh, partie, non, c'est clair. C'est clair. Et, donc, maintenant, dans les concerts que tu n'as pas pu voir alors. Dans les concerts que j'ai pas pu voir, bah donc style Panther, j'aurais aimé. J'aurais aimé pour la déconnade, ouais. Même si c'est pas tout le live, mais au moins voir quelques morceaux. Ah oui, d'accord, parce que la déconnade a été pendant tout le live. Apparemment, ils ont fait très peu de morceaux et justement trop de déconnades entre les morceaux. Ah oui, d'accord. Apparemment. Ouais. Donc voilà, bah, après, Blood Ceremony pour le truc, ouais, pour vraiment pour le groupe. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, après, bah, Insanity Alert que j'aurais bien aimé voir aussi. Pour. Bah parce que ça a été une de mes chroniques, j'ai trouvé le groupe plutôt sympa. Et ouais, Touriza. Et Touriza aussi, moi je suis un peu dégoûté. Mais là, on est à l'apéro là. Mais il paraissait super, pas Touriza. Bon, en plus, ouais, c'était l'apéro. Voilà, c'est mon regret. Toi, Joe? Parce que du coup, attends, en passant vite fait, moi. Aerosmith, parce qu'apparemment ça a l'air d'être vraiment bien et j'y croyais pas, donc j'ai fait un peu le prétentieux de pas du tout aller jeter un œil. Une oreille plutôt. Il paraît que Pain of Salvation aussi était très très bien. Bah alors là. Non, il paraît. Non, mais ce fut aussi une de mes chroniques. Je sais, mais t'avais pas aimé. Pas accroché du tout à la musique quoi. Igor aussi. Igor était très très bien. Il paraît que c'est complètement fou. D'accord. Le Fossoyeur. Je sais pas, je tousse. Putain, il va être. Bah, Aerosmith aussi, moi, Airborne. Ouais, bah oui, Airborne. Là pour le coup, t'étais à l'apéro, je crois. Non, j'ai été voir Primus. Ah oui. Donc Airborne, Aerosmith. Enfin, t'aurais pu. Excuse-moi, là je vois les airs. T'aurais pu voir un peu Airborne et après aller voir Primus. Ah ouais, mais attends, je revenais de loin après. De l'apéro, ouais. Je revenais de loin. Il était pas au camping, il était plus loin. Ouais, c'est ça. Bah voilà, c'est tout. Après, j'ai vu. Ce que tu voulais voir. J'ai vu ce que je voulais voir. D'accord. D'accord. Ok. Donc c'est bon pour le samedi. Est-ce qu'on ferait bien une petite pause pour parler du Easy Camp? Parce que du coup, on n'en a pas du tout parlé. C'est vrai. Et qu'on pourrait. Alors, du coup, nous, on était en Tipeee. C'est vrai. On était 4 dans un Tipeee de 5. Donc, on va le faire un petit peu dans l'ordre où c'est arrivé. Moi, ma première réaction, ça a été: ah ouais, j'ai payé pour ça. C'était un peu de la déception parce que t'as vraiment une toile, 5 matelas et une petite lampe d'ambiance. Ouais. Et je pense qu'on a tous eu cette réaction quand on est arrivé dans le Tipeee. Putain, ça fait mal aux derches. Et pourtant, une fois quand on était dedans tous. Et ben en fait, on avait de la place, grave. Et du coup, de toute façon, on avait payé. Pour. Oui. Tu vois, voilà. Non, mais même. Autant profiter, on était 4. Se dire. Et on a pris quand même toute la place. À 5. Non, on n'a pas pris toute la place. Oh, bon, les fringues et tout. Non, je suis désolé. Vu comme on a été bordélique, on a pris toute la place. Moi, mes affaires, elles tenaient juste devant le matelas, ça allait. C'est parce qu'il y en a. Ah, mais je pense qu'à 5, on est encore plus bordélique. Bah, non, mais là, ça, je pense qu'on n'est pas obligé d'être bordélique. Une personne de plus. Non, par contre, non, alors, on va tous discuter, trouver. Moi, j'ai trouvé quand même que, étonnamment, il y avait quand même de la place. Quand on était les quatre dedans, assis, on pouvait même se tenir debout, tout ça. On n'a pas manqué de place. Forcément, t'avais deux matelas, toi. C'est bon, t'avais de la place. Malgré le bordel. Alors, moi, je dirais que t'as l'impression de payer pour un truc qui n'est pas. C'est pas exceptionnel. Non, mais je pense qu'il n'y a pas que le Tipeee, quoi. Faut pas prendre que le Tipeee. Non, on va parler du reste, on va parler aussi de l'ensemble du Lazy Camp. Mais vu qu'on était dans le Tipeee, et pour avoir fait, toi, une année, les tentes Quechua, et moi, l'année dernière, les cartentes, bah, franchement, je préfère avoir investi l'argent dans le Tipeee, proportionnellement. Proportionnellement, oui, plus ou moins, mais je trouve ça quand même vachement cher, parce que c'est. Oh bah, 400 balles pour. Je trouve que ça aurait été suffisant. tu vois. Ouais. Bah, c'est cher pour se dire, merde, ils ont monté une tente, enfin un tipi, quoi. Après, ils ont foutu 5 matelas dedans. Et bah, ouais, les cartentes, alors des tentes en carton, 200 boules. Il faut les déplier, les tentes. Attends, dit, tu regardes le modèle, tu fais. D'accord. Ça suffit, tu les foutes à l'envers. Alors, comme proportionnellement, ça. On n'a pas eu froid. La nuit, même la nuit. Alors quand oui, bah après, oui. Sont, c'était un peu mieux isolé. Et accessoirement, les matelas étaient des bons matelas. Nos c'était voisins dormaient dehors. Ouais, nos voisins qui étaient dans Cartent. Ouais. Donc, bah, il était trop grand pour la Cartent. Alors, du coup, je pense que c'est une question de taille. Vraiment. Non, parce que la Cartent, tu rentres à deux, mais tu bouges plus dedans. Ça, c'est vraiment le petit point. C'est fait pour dormir et c'est bien, mais moi, je suis pas. C'est vrai qu'on a pu se poser quand même. Mais non, franchement, non. Attends, le soir on était dedans, on était assis, ou le matin on petit déjeunait dedans, ça allait. Hein. Et leur table, franchement, centrale. Oui, bah ça c'est. Oui, mais c'est pas prévu, l'option. Ah, parce qu'il aurait fallu payer en plus pour dire. Mais non, mais. Vous aurez peut-être une petite tablette. C'est parce que je suis en train de dire, mais. Moi je suis pas déçu pour. Ma première réaction a été de la déception, et au final j'ai trouvé qu'on avait quand même plutôt pas mal de place et que les matelas étaient plutôt agréables, et donc ça allait quoi. Après, comme. Je dis pas, ça l'a fait, mais je trouve ça cher pour la prestation que c'est. Mais la prestation, c'est aussi l'ensemble du Essie Camp, et là, on va revenir dessus. Non, sinon, pour le Tipeee, moi, j'ai pas grand chose à dire. C'est. Bah, dans une autre situation, par exemple, t'aurais préféré. Le tarif, ok, oui, je suis d'accord avec Bob. Même si tu prends tout ce qu'il y a autour, bon. Franchement, c'est quoi les prestations ? C'est vrai que ça fait. Ah si, le café croissant qui a. Non, mais non, à 200 mètres, c'est en plus. Non, le chargeur de portable, c'est ça que tu veux dire ? Bah non, mais non, le côté à voir. Bah, alors, sanitaire. les toilettes, les douches. Oui, mais dans ce cas-là, mais attends, mais c'est la même chose que les autres années, hein, dans ce cas-là. C'est cher pour ce que c'est. Bah oui. Bah, donc c'est le point de départ en fait, toute la formule Easy Camp est chère pour ce que c'est. Ah bah oui. Ah bah d'accord. Déjà à la base, oui. Oui, mais c'est pas plus le Tipeee alors. Bah non, parce que là on parle du Tipeee. Oui. À la base c'était ça le truc quoi. Oui, mais du coup c'est pour mais ça. Mais ça c'est global quoi, je veux dire, pour ma part c'est ça quoi. Après proportionnellement, si on part du principe, ouais bah, tu vas me dire oui, mais quand même, bon, bah, autant pas aller à ça vaut 100 balles de moins quoi. Bah je sais pas, tu compares par exemple, tu vas dans un F1... Tu payes 39€ ta chambre pour la nuit, t'en as pour aller 120€ pour deux, j'imagine. Je suis pas sûr. Là, on en a pour 200 balles pour un matelas et une toile. Quoi. Donc, toi, c'est ça moi, qui me gêne. Quoi. Sous prétexte de quoi ? On n'a même pas une chaise pour s'asseoir, il fallait emmener nos chaises. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est ça le truc. Quoi. 500€ quand même. Quoi. Bah attends, si tu parles. Pour une toile, enfin 500€ pour une toile et 5 matelas. 500€. C'est quand même la moitié d'un SMIC. Quoi. Oui, mais c'est. Et le campement. Bah non, mais c'est 500€, ça. Oui, mais c'est. Non, mais d'accord. Mais ça pose pas de problème, toi, mais je veux dire. Non. 200 balles à mettre dans 200, c'est... je crois qu'on a mis 250, un truc comme ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est le Tipeee est dans le Easy Camp. Ça fait partie du truc. Tu payes. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord. Donc c'est pas ça. C'est parce qu'on oui, mais... pensait avoir un confort réel. Mais c'est pas. Bah, c'est pas 500. Bah, t'as une forme de confort. Après, qui est suffisante. Quoi, les douches, les chiottes. Bah oui. Le coin pour se coiffer, là, avec les glaces. C'est ça. Et toi, ça justifie 500€. Non, parce que j'ai pas assez de cheveux. Mais... Bah, mais t'as une barbe. Ah. Non, mais. Non, moi, je suis désolé. Moi, je reste campé sur ma position. 500€, je trouve ça cher pour la prestation. Mais je dis pas que ça donne pour 4 jours. Après, si t'en vas ces 500€, ça fait 100€ par personne. Oui, mais nous, on est deux. Ah, mais ça, c'est le même problème pour tout le monde. Mais je suis d'accord. Ça reste cher quand même, ton argument, bah, je trouve que ton argument il marche pas si tu pars du principe oui, mais nous on est deux. Parce que par exemple. Mais là, du coup, nous, personnellement, je veux dire notre cas à nous. Bah, parce que regarde, mais si même 500 balles pour une toile et 5 matelas, je trouve ça super cher. Ah bah, même s'il y a des prestations à côté qui sont les douches froides qui coulent pas très bien, j'en ai pris deux. Franchement. Terrible, excusez-moi. S'il me fait la plate, il est bourré lui. Oui, d'accord, mais par exemple, tout à l'heure, tu disais le Formule 1 à 30€ sur 4 nuits, ça fait 120€. Donc, t'es plus cher que. À deux. Et... Ah, déjà, t'en sais rien. Pour moi, 130€, c'est une personne. On l'a fait. Vous l'avez fait ? Oui. Parce que ce que j'ai compté, moi, c'était pour une personne. Oui. Ah, Non, mais voilà, je veux juste, à la base, c'est tout. Ce que je veux dire, c'est que je trouve ça cher pour les prestations qu'il y a à côté. Et tu trouves le même 100 balles, je veux dire. Le trouves les quartettes moins cher, plus cher, ouais, moins cher. Ah bah non. Donc c'est pareil. Oui, c'est pareil. D'accord. Ok. Et bah, bah moi je dirais, si on part du principe que t'as un petit coin détente ou où tu peux faire des rencontres, tu peux recharger ton téléphone et goûter du whisky japonais, bordel. J'ai goûté du whisky japonais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, moi je m'en veux plus. Non, ça c'est le. C'est le. Merde, c'est quoi qu'il a. C'est le muscadet que t'as pris, non? C'était pas du. Ouais, du muscadet. Picon. Du picon. Le Jack Daniels. Il y avait le. Tu peux aussi compter le raccourci pour aller au fest. Ouais, pour toi ça justifie quoi. Non, c'est pas ça. En fait, non. En fait, je suis d'accord avec toi sur le fait de. Est-ce que ça justifie ou pas? Non. Il y a quand même beaucoup de points positifs. Bah, en fait. Je suis d'accord, mais. Ouais, non, mais c'est un tarif que tu dois payer derrière. Qui est peut-être. Mais dans ce cas-là, l'accessibilité du truc, c'est énorme. Et ben dans ce cas-là, il n'y a rien de positif aussi. Mais et on a rencontré le mec qui gère ça. C'est pas lui qui gérait ça. Il nous l'a bien dit. On a rencontré le mec qui gère ça. Non, mais qui gère ça à la base. Oui. Il nous a dit que le fest prenait énormément de Le fest s'impose. Bah, oui, voilà, c'est ça. Le fest s'impose beaucoup. Et que l'année prochaine, normalement, c'est lui qui devrait reprendre tout ça. Mmh. Oui, je suis là. Je... Mais non, mais il a bien fait comprendre que. Voilà. Mais nous l'a. Voilà. Non, mais je dis. Non, mais après, c'est facile. À partir du moment de manière où quand tu payes ton billet 200 euros du Hellfest et que dedans, tu as une place pour le camping de compris. Ça, je trouve pas. Je trouve que c'est correct. Même, à partir de moment où tu as ça. Il n'y a rien derrière qui peut justifier le côté positif du Hésican à part un choix personnel. Vu que tu as déjà ta place de camping de prévue dans le truc. Donc à partir du moment où il te propose une prestation qui est une option en plus avec un emplacement, une tente, un tipi ou une cartente, des douches pour un plus petit nombre, des toilettes pour un plus petit nombre, des coins où tu peux recharger ton téléphone, des coins détente. Après, il y a beaucoup d'espace. Plus petit nombre que l'ensemble des carrés. Je suis d'accord. Là, c'est mais ça. Je crois qu'ils n'ont pas beaucoup changé le nombre de douches et de chiottes alors qu'ils ont augmenté le nombre de tipis et de cartentes. Non, mais ça, je suis d'accord. Considérablement. Je suis plus la première de fois. Plus de cartentes que de tipis. Plus de cartes que la première fois on l'a fait la première année et là c'était ça l'a fait parce qu'on avait de la place partout et là il y avait vraiment un confort. Oui, bah alors pour moi je j'identifie le confort aussi au côté pas prise de tête d'arriver, de poser son sac, de repartir, de prendre son sac. Ça fait partie aussi d'une certaine forme de confort parce que t'as pas à te prendre la tête. Et je dis pas encore une fois que ça justifie, je dis que c'est après, ça reste des choix de prestations qu'on aime. Exactement de la même manière que quand tu décides. Tu l'aurais fait de prendre un tipi si nous on l'avait pas fait, si on avait pris une tente. Je vais pas prendre un tipi tout seul. Non, non mais vous étiez deux. Ah non, vous avez pris quoi, une cartonne ouais. Bah ouais. Ouais, parce que là du coup, ouais, ça fait vraiment budget. Non mais je veux dire dans le sens où quand même, même si t'avais que un sac. Et toi Joe, t'avais. Parce qu'après, faut se dire qu'on était on était quatre quoi. C'est fait pour 5. Si on avait été 5, on aurait eu moins cet effet-là de c'est trop cher. Il y aurait eu. Ah si, parce que nous, notre budget, c'est ça. Nous, enfin justement, tu vois, ça fait partie d'une globalité du fest mais ça, c'est parce qui que... commence à. Oui, mais ça, c'est parce que vous êtes deux. Vous comptez tout en double. Tout votre budget, il est doublé. C'est forcément que c'est différent. Mais justement. Oui, mais donc là, c'est pas la faute au budget. Je suis tout à fait. Non, mais après, moi, pour ma part, je suis tout à fait d'accord de payer 200 balles pour le pass. C'est intéressant. Trois jours. Il n'y a pas de souci. Ça, je trouve que c'est correct. Bah, s'il augmente ça, dans ce cas-là aussi, quoi. Non, mais il pourrait être tout seul sur 160 000 personnes. Mais non, il pourrait être tout seul. Sur tous les gens. Il y a peut-être d'autres gens sur les camps qui pensent la même chose parce qu'ils sont deux. Et nous, peut-être qu'on a... Mais oui, mais encore une fois, donc je reviens au point que je dis, c'est une option, c'est une prestation en plus, c'est pas... Il n'y a rien qui la justifie, je suis d'accord, mais exactement comme il n'y a rien qui justifie qu'il y ait des hôtels 3 étoiles... Non, mais toi, dans le sens où tu n'es pas obligé de la prendre, puis fais pas chier. Non, c'est pas fais pas chier, non, c'est pas ça, je trouve que tes arguments, ils sont intéressants, jusqu'au moment où tu commences à dire, nous, c'est deux. C'est là où je suis pas d'accord. Oui, forcément, nous c'est deux, mais il y a plein de gens qui viennent en couple. Mais je dis pas le contraire, sauf que si à partir du moment où ça tu le comptes. Mais je pense qu'ils vont dire aussi, ah, c'est quand même un peu cher pour ce qu'il y a. Mais non, mais même je tout pense seul, que tu peux le dire. Non, mais après, je comprends le fait que ce soit une option. On la prend parce qu'on veut un minimum de confort, on veut un minimum d'espace, on veut pas être confiné au milieu de tous les gens comme on l'a fait l'année dernière. Où on est arrivé, on a posé notre tente, on avait quasiment pas la place à s'installer et on avait le fil devant nous. Par exemple, je suis tout à fait d'accord. Là, c'est un argument qui m'a convaincu, c'est de prendre le Tipeee à 4 Parce qu'on s'est dit, bah, 4 déjà, forcément, c'est clair, divisé hein. par 4, 500 euros divisé par 4, même si on n'a pas non plus un gros budget, mais le fest commence vraiment à nous peser sur le compte en banque, quoi. C'est ce que je veux te dire. Ça, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi, et ça, je ne dis pas le contraire, mais justement, on fait une comparaison par rapport à l'année dernière. On va dire, donc l'année dernière, tu as économisé un prix de Easy Camp, un peu moins parce que du coup, tu avais racheté de tout ce qu'il fallait. Ouais, bah oui, oui. Mais est-ce que c'était plus confortable ou moins confortable ? Pas plus, pas moins. Bah... C'est le côté place, en fait, espace, mais on avait notre espace à nous, bah, dans la tente. Du coup, dans une tente, t'as toujours un espace où tu peux mettre une table et deux chaises, quoi. Ouais, non, mais c'est pour ça que c'est... On avait ce côté-là. Après, ouais, c'est à ça de comparer, c'est ça qui est intéressant. Là, ce qui était plus, là, ce qui nous a plus convaincu, en fait, c'était de partager tous les quatre. Mmh. Oui. On était quatre, donc on s'est dit, ouais, ça va être sympa, on va se faire un Tipeee à quatre. Mais voilà, parce qu'on était tous les quatre. Après, c'est ça qui nous a... Moi, je sais que je suis d'accord pour dire que c'est un coût. Est-ce que ça les vaut ou pas ? Je dirais de base, forcément non, mais que les prestations qui sont dans cette formule-là me conviennent à moi. Et que, parce qu'elles me conviennent à moi, c'est pour ça que je les prends. Mais je me dis, mais je suis d'accord pour reconnaître que c'est cher. Après, plus c'est cher, plus ça nous pousse à la critique, parce que c'est toujours... Ça fait toujours... Ça fait des un gros budget. Il nous pousse à la consommation aussi pas mal. Quoi. Mais oui, je suis d'accord. Ah, ça fait toujours un peu mal de lâcher tout ça. Parce donc, que tu veux ce confort-là. On s'attend à... Tu vois, mais ça, je suis tu d'accord. Veux le chercher, ce confort-là. On s'attend à moi, je passe des choses un peu mieux forcément. Que ce qu'on peut voir sur place. Quoi. Non, mais là, c'est pour ça que je dis que après, c'est pas un truc de... oui, bien sûr que c'est cher, mais dans ce cas-là... Il ne faut pas s'arrêter à cet argument-là. C'est que derrière, forcément... Mais il y a aussi le fait qu'on veut un certain confort quand même. Je suis d'accord. On fait partie des vieux, même presque maintenant. Quoi. Donc du coup, oui, on cherche aussi à avoir un peu d'espace, un peu de calme. Est-ce que ça t'a pas aidé, ça, cette année, justement, à bien te reposer quand même ? Mine de rien. Ouais, c'est des petites choses. Je peux pas te dire. Sur le Easy Camp, c'est des petites choses. On n'est pas passé du tout. Moi, je t'ai vu. Il y a quand même un cumul de choses pratiques. Moi, je t'ai vu bien, bien dormir. Vraiment bien. Et le matin, ça allait. T'as pu te lever. Ouais. Alors, moi c'est. Ouais, vas-y. Ben après, s'il divise par 4, ouais, ça fait quoi 125, ça fait du ouais, 27, 20, ouais, 28, 9. 8 pour un matelas. Ouais, je sais pas. Ah, mais je suis. Non, mais alors, je suis. Mais oui, mais parce que moi je me dis juste, tu vois. Avoir accès à et alors, ok, pour les douches, c'était pas le top cette année parce que ça commence à manquer. Mais l'accès aux toilettes comme ça, c'était un bonheur. Il devrait y avoir un petit peu plus de water closet quand même. Oh, ça allait, la tente, elle était vraiment pas longue. Hein. En plus, je pouvais lire le journal de Mickey, c'était royal. Voilà. Et j'ai jamais été autant aux toilettes de ma vie que cette édition du Hellfest. J'y étais, mais je sais pas. Moi, j'y suis allé beaucoup, mais sans. Sans réel succès. Sans réel succès. Bon, bref, alors passons sur le journal de Mickey. Non. Et toi, Joe, alors le Tipeee, au final, parce que j'ai pas compris ce que t'étais content ou pas. Bah, je suis pas déçu. Je suis juste, du même avis que Bob au niveau des tarifs. Mais je suis d'accord avec les tarifs. Hein. J'ai dit juste que ça reste une prestation. C'est... On peut faire des critiques sur tout, mais sur beaucoup de choses, tu veux, hein, si tu fais un peu le bilan, on parle quand même de plein de petites choses, mais ce cumul de petites choses est vraiment bien pratique. Pour étoffer le débat, je vais prendre un exemple à la con, mais en fait je voulais pas le dire tout à l'heure parce que je savais qu'elle allait en sortir, mais moi par exemple j'ai pas d'équipement de camping, j'ai rien. Donc si je devais aller sur le camping normal, il faudrait que j'investisse. Tu vas me dire, ouais, mais t'as investi une année, puis t'es tranquille dedans. Ouais, mais il faudrait quand même que j'investisse. Et du fait, investir que pour le fest, bah, c'est un peu la même chose. Là, c'est vraiment le principe, uniquement le principe du clé en main, d'arriver, de poser et de repartir. Et à pour cette fest. Hein ? Quoi ? Allô, voisin ? Allô, voisin. Du coup. Tu la loues, t'attends. du coup, je trouve que cette prestation est chère, mais elle correspond exactement à ce que j'attends. Donc c'est pas pour autant que si demain elle augmentait de 150 euros, je dirais oui, mais c'est quand même exactement ce que je veux dire. Là elle rentre encore oui. Elle rentre encore dans des tarifs que je considère acceptables. Faut pas que ça s'élève, quoi. C'est sûr et certain, faut pas que ça. Mais voilà, c'est. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais ton avis est aussi largement appuyé parce que vous êtes deux, comme tu le dis. Mais oui. Mais je suis d'accord. On n'est pas les seuls dans ce cas-là. Le seul truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en couple et qui ont cet argent-là en commun pour vivre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Mais voilà, mon argument à moi, c'est ça. Oui, mais toi, le soir, mais quand t'étais triste, tu pouvais pleurer dans ses bras alors que nous, on n'avait personne. Bah oui, mais toi, apparemment, c'est une prestation. Voilà. Bah, j'avais pas la prestation. J'avais pas cette prestation. Eh ben, t'avais. Moi, du coup, pour pleurer, pour éviter de pleurer, j'ai chargé mon portable. Et il a beaucoup chargé son portable. Ouais, c'est vrai. Laissez-moi vous le dire. Du coup, en dehors de ça, le côté détente était quand même super agréable. Non, mais j'ai trouvé tout le côté cool et calme, sympa. Voilà. Vraiment, agréable. Franchement, en plus, on a tous les gens avec qui on a discuté, bon, comme ailleurs, étaient très cool de ce côté-là, donc il n'y a rien à dire. Le coin à l'ombre était quand même là où on pouvait justement se coiffer ou recharger aussi les téléphones. À l'ombre, mais chaud, quand même. Oui, mais ça. Oublions. Non, mais tu pouvais pas éviter. Quelques ventilateurs, je suis désolé. Si tu étais. Quand j'ai eu un moment pas bien, en fait, j'étais posé par terre et il y avait deux personnes qui discutaient à côté de moi, et dont un mec qui était dans le camping. Normal. Normal. Et il était pas content du tout. Et il passait des soirées vraiment. Chiante. Attends. Il était dans les Z-Camp? Non, il était dans le camping normal. Non, mais oui, mais. Donc, toi, tu l'as entendu où? Sur le site. Ah, c'était pas clair. D'accord. Et donc, parce qu'il passait des soirées de merde? Il passait d'une nuit de merde. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Bah, c'est ça. C'est-à-dire. Tu vois? Mais tu bosses avec eux, Kissy? T'as passé un contrat avec ces gens? En gros, le mec disait. Toute la nuit, il y a un mec, il a fait que de tomber sur ma tente. Et à la fin, c'était devenu un jeu. Et il a dit, bah ouais, mais faut bien rigoler. Tu nous avais expliqué ça. Mais bah, le mec, il m'a mis une patate dans le nez. On rigole comme ça, nous, chien. Non, mais bon. Je vois bien que le sujet divise. C'est con, c'est qu'on est trois. Ouais, bah si. Bah non, Joe, il est Joe, il a fait la Suisse. Hein. Je suis d'accord avec Bob, mais je comprends ce que dit Jack. Donc oui, non mais le camping normal devait être bien agréable. Pas forcément, en fait, à vivre, à passer. 10 ans. Ah oui, voilà. Ah oui, non, carrément. Voilà, super, là, ça a complètement changé. Quoi. Après, c'est vrai que ça, de la place, quoi. C'est un truc qu'on n'a pas du tout fait cette année, d'aller y faire un tour. Ah non, parce qu'il y avait le petit raccourci. Oui, qui était quand même bien ça, pratique. Ça, par contre, ouais, c'était top. Le fait de gagner pas se mélanger aux humains, c'était bien. Pouvoir les dénigrer sans les voir. Totalement. Ça, c'était top. Ah, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais on a quand même pu aller faire un tour au Leclerc cette année. Oui, tout à fait. Dès en arrivant, et ça c'est pareil. Hein. Ça, moi, j'en parlerai pas non plus. Bah, d'accord. Parce que. Bon, bah, sérieux. Les gens qui te sautent dessus. Ah oui, d'accord. Alors, si, hein, là, c'est ça. Ça. Ouais, par contre, ils sont malins parce qu'ils ont attendu qu'on ait un petit peu bu et ça a bien marché. Ouais. Tout ce qu'ils nous ont proposé, on était d'accord. Alors, vider les poches. Ah oh, ouais, d'accord. C'est pas du Red Bull, c'est pareil. Ok, prenons deux bouteilles. Alors, c'est pas vrai, hein. C'est pas comme du Red Bull, vous nous avez arnaqué. Ouais, totalement. Une fois qu'on avait dessoulé. bon, bref. Ça pourrait fabriquer la reine. Bref, donc voilà pour le Z-Camp, c'est bien. C'est une prestation, mais c'est cher. Voilà, c'est bon, c'est bien résumé. Ouais, attends, carrément. C'est bien, c'est une prestation, mais c'est cher, surtout à deux. ouais. Alors par contre, on peut quand même rajouter que le personnel du Z-Camp, on a vu que était vraiment super cool, c'est et qu'on les a croisés plusieurs fois sur les 3 jours, et à chaque fois ils venaient s'arrêter, discuter un peu avec nous, et c'était toujours très très très sympa de leur part. Romain, Virginie. C'est ça. Et d'ailleurs au passage, dimanche soir, il y avait 8 bières posées devant notre tente, on ne sait pas par qui, soit des fans du podcast, ou alors... On aime à l'imaginer. On préférerait... Ou bah justement Romain ou Virginie, mais en tout cas c'était très très cool et on aurait juste voulu en fait pouvoir remercier cette personne, donc merci. Se dénonce. Oui, quel piège pour les autres. Voilà. Bon, on va passer à dimanche parce que ça fait déjà 1h20 qu'on enregistre. Oui, tout à fait. Et qu'on a peut-être encore d'autres choses à dire, même si on n'y a pas pensé. Le dimanche, tu peux me rendre ma feuille, Joe, je t'en file un autre dimanche si tu veux. J'en ai plein d'autres des dimanches. Merci bien. Voilà. Alors, Et ben dimanche, de nouveau dès 10h30, j'ai pu voir Ray Brower sur Main Stage. On a dû filer après voir Bright Curse, hein, Joe. Alors là, je t'ai pas mal suivi, ouais. Ouais, je t'ai dit je te suis. Ouais. Il m'a fait confiance, il m'a dit je voudrais voir ce que ça fait d'être dans la peau d'un mec accrédité, je te suis. Ray Brower, du coup, moi j'ai voulu passer aussitôt sur Bright Curse. Ouais. Et tu m'as suivi. Voilà, parce que je suis pas. Ouais, je suis pas là trop. Ça va. Après, on a enchaîné avec. Une chanson de Ray Brower, ça m'a suffi. Ouais. C'est vrai. Mais c'était pas mal, hein, c'était ça. Après, on enchaîne avec Arm Down sur la Warzone. Après, on a été voir Emptiness sur Altar. Et on a vite couru voir Vodun, qui nous a mis une grosse claque. Putain, ouais, que c'était bien. C'était. Avec et moi, j'ai vachement réécouté hein, après le fest. Et, c'est top de chez top. Ouais, ça a validé ce que. Ça validait ce que j'ai vu. Mais toujours, on est arrivé, on a vu une grosse blague bariolée avec du maquillage. Les autres, mais surtout. Ouais, mais alors là, c'est un mélange, mais au top, quoi. Ouais, ça mixe tout. Hein. Par contre, ouais, ouais, on est resté devant un peu aussi, mais on était côté droit. Ah non, mais c'était bien. Ouais. Elle a la voix qui va bien tout, avec les riffs ouais, ça, original, tout guitariste ouais, peut ouais, sortir. Ouais, ouais, c'est vrai. Puis même mélange de style, quoi. Mais non, c'est clair. Un mélange de style. C'est ça. Du coup, on a enchaîné après avec While She Sleep, concert de ouf. Les mecs se sont donnés à fond, j'ai bien aimé. J'ai enchaîné après avec Ghoul, qui m'a beaucoup. Ça m'a fait rire. Et étonnamment, c'était pas si désagréable. Hein. Et non, ça, je m'en souviens plus. Tu... The Vintage Caravan. Avec les masques, enfin les masques, ouais, les sacs à patates. Les sacs à patates. Ah oui, oui. Qui décapite la poupée, tout... qui fout du sang. Ah, ouais. Ils ont commencé comme ça d'ailleurs, ils ont ouvert quelqu'un avec du sang qui a giclé partout. Ah oui, ouais. The Vintage Caravan après, qui était très très très bien. Ah, c'est joli. Ensuite, bah là, il y a eu un moment donné, on a été mangé, je me souviens, parce qu'il y avait Motionless in White qui passait sur un main stage. Vu qu'après, on enchaînait avec Skin Dread. Hein? Qui était. Quoi, tu t'en souviens pas? Oh putain. Non? Bah, j'ai fait plein de. Oui, mais alors... du coup, je sais pas, j'ai dû passer vite fait devant Cripple Black Phoenix. Ou avec toi, Joe, je crois, vite fait. Et après, on est parti faire une petite pause parce que là, il faisait vraiment trop chaud. On s'était le créneau pause. On a fait un petit créneau pause. Ensuite, on est revenu pour Devil Driver où, malheureusement, bah, j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans. Bah, le côté main stage pour moi. Alors là, moi, j'ai surkiffé Devil Driver. C'était trop bien. Ah, mais c'était bien, mais je vais juste rester un petit peu à l'écart. J'ai regardé après Alter Bridge. Côté propre. Propette, j'ai trouvé. Un petit coup de Blue Luster Cult, je crois. Hein, on était voir, je crois, vite fait. Ouais, vite fait. Hein. Vite fait. Après, on a été. On est passé devant. On a regardé de loin Prophet of Rage. Et là, attention, là, c'est le. C'est le drame. Là, c'est le drame. Parce que je tiens. Partout, tout le monde est unanime. C'était génial, Prophet of Rage. Tout le monde. Eh bien, laissez-moi vous dire que non, ce n'était pas génial. C'était Rage Against the Machine avec plutôt 100 Zach de la Roca. Et ça pue. Et ben, je suis désolé. Mais pour moi, Prophet of Rage, ils ont encore toutes leurs preuves à faire. Ok, ils ont une chanson qui déchire. Ils en ont une deuxième qui est peut-être pas mal. Mais c'est pas parce que tu crées un soi-disant super groupe que tu peux reprendre toutes les chansons de plein d'autres groupes revenir, enfin de tes anciens groupes revenir et faire des mix. Pour moi, Prophet of Rage, pour l'instant, ça n'est pas légitime. Alors bien sûr, de me dire, oui, mais c'est leur chanson. Oui, bien sûr, c'est leur chanson. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont besoin de réinterpréter d'anciens titres pour faire plaisir aux gens? Parce que c'est plus facile. Revenez parce que ça marche. Voilà. Donc revenez avec votre album, et là, je serais d'accord pour avoir un vrai avis. Mais pour l'instant, moi, ça ne m'a pas plu. Mais en même temps, face à 55 000 personnes, je suis peu de choses. Ouais. Mais voilà. Donc, moi, j'ai pas plu non plus. Moi, j'étais bien content de passer à autre chose. Ouais, c'était... Ça m'a fait du bien de passer à autre chose. Tu vois. Donc après, on a été vous rejoindre sur Clutch, qui était vachement efficace et tout. On n'est pas resté très longtemps. Sachant qu'on était voir Integrity avant Clutch. On a vu Integrity ? Et oui, c'est ça qui nous a fait du bien. Et on s'est dit, ah, on venait de partir de Prophet of Rage. On a vu Integrity. On a regardé 2 chansons ouais, de Prophet of Rage. Et on est parti dans la Warzone et on s'est dit un ouf de soulagement. Ah, c'est là où on s'est posé, on s'est assis, on a regardé. Ouais. Il n'y avait pas grand monde d'ailleurs là. On est encore au Hellfest. Non, si c'était. Donc après, on a fait Clutch, qui était très très bien. Tu en diras après ce que tu en as pensé. Après, on a été voir Every Time I Die, où là... Et on s'est dit, on est toujours au Hellfest. Oh putain, ouais, alors c'était complètement fou, la fin de ce concert. Alors, j'ai su ça qu'après, mais en fait, apparemment, le chanteur devait pas être là, il a été remplacé par trois autres chanteurs de... Ouais, ouais, et du coup... Pour te dire que ça nous a refait du bien, faut dire qu'on a fait Prophet of Rage Integrity, et ensuite, on a été voir Linkin Park. Ouais, ouais, de loin, de loin. Et là, on a dit, ok, non, on va quitter le Hellfest, on va dans la Warzone. Alors, au sujet... Et là, ouais. On a repris une claque. Alors, au sujet de Linkin Park, alors, j'ai aussi entendu énormément de choses. De ce que je sais, ils sont leur ancien morceau, parce qu'on n'est pas resté à son temps pour tout écouter, mais leur ancien morceau des premiers albums, ils les ont remixés. Ceux qui étaient vraiment bien, apparemment. Ils ont joué beaucoup de morceaux du nouvel album. Mm-hmm, et ils sont partis un quart d'heure, 20 minutes plus tôt. De ce que je sais. C'est cool. Et ils ont dû se faire siffler pas mal, tout ça. D'accord. Après, comme je t'avais dit, Bob. J'aime bien cette démarche-là. Oui. Non, mais... Aller voir un concert pour siffler les mecs alors que derrière t'as plein de super concerts. Qui... Non, mais parce qu'ils ont peut-être. C'est temps, si t'entends les premiers morceaux qui sont remixés, c'est peut-être là qu'ils ont commencé à les siffler en fait. Ils sont peut-être venus voir en disant on attend Linkin Park pour voir. Ouais. Et au final, voilà. Tout le monde, tu crois hein. Bah, je sais pas, écoute, hein, c'est possible. Ouais. Du coup, moi j'ai vu la réaction. Enfin, j'ai vu après les réactions du chanteur sur Twitter. Qui lui a dit non, mais il n'y a pas de souci avec les fans français, on vous aime bien, c'était cool au Hellfest quand même. Et qu'après, a rajouté un deuxième tweet que pour le coup j'ai trouvé plutôt malin, c'est celui que je t'avais raconté, où il dit je comprends pas les gens qui nous traitent de vendus alors qu'on n'a pas modifié notre setlist en fonction du Hellfest. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt bien en fait qu'il fasse preuve de dire voilà, effectivement, aujourd'hui on fait ce genre de musique, on invite au Hellfest, mais on fait quand même ce genre de musique. Est-ce que c'est un affront ? C'est le Hellfest qui savait. Non, il savait pas, l'album n'était pas sorti. Encore une fois, l'album n'était pas sorti, ce nouvel album était oui, pas enfin, même, je veux dire, Linkin Park, depuis des années, tu dis bien toi qui accueille Hybrid Theory. Que... Alors, Météora, c'est le deuxième album. Passé, ouais, longtemps. Ah, ça y est, tu retournes ta veste. Bah, d'abord, c'est un t-shirt. Et Bref, c'était pas bien du tout non plus, Linkin Park. Et on a vu Coroner quand même aussi. Hein. Moi je me souviens avoir vu Coroner. Oui, ouais, moi j'étais sur le côté. Pas chaud pour aller voir O'Queen. Et... Ouais, bah, on a vu O'Queen vite fait de loin sur ouais, l'écran. Ouais. Moi j'ai vu plein de trucs psychédéliques. J'ai dit oh non, je suis pas prêt. Je suis pas du tout prêt à ça. On va faire quelques années de. On est repassé. On s'est dirigé vers la main stage pour voir Slayer. J'ai été très déçu de ce que j'ai vu. Donc on a filé directement à la Warzone. Et là, bah, pour le déchaînement de, bah, Slayer, tu vois, genre, je me serais bien pris au truc quand même, moi. Bah, ouais, mais j'étais pas contre hein, pour Slayer. J'aime bien Slayer, mais là, les morceaux qu'ils jouaient, bah, voilà, ça me laissait. Mais tu vois, bah, ce soir-là, un dimanche, j'étais pas mainstream. Non. Là, j'étais bien content d'être parti à la Warzone et je pense qu'on a fini en beauté. Ah ouais, la vache, la claque. The Dillinger. Ah ouais. C'était ouais, je suis vraiment content d'avoir fini là-dessus moi. Par contre, la seule putain, on a oublié un truc. La seule le seul bémol que j'aurais dit sur Dillinger Escape Plan, c'est que c'est tellement complexe comme musique que tu peux des fois te retrouver extérieur au truc et il y a eu beaucoup de moments où je pensais à d'autres choses. C'est vrai que demain, faut que je fasse ça. Parce que les morceaux donc c'est au moment où toi tu m'as dit il n'y a pas de feu d'artifice. Et moi j'ai dit non, pas cette année, c'était prévu qu'on n'avait pas. Par contre, c'est vrai que ça nous avait tellement mis dedans nous qu'on n'avait pas du tout envie de dormir. Et qu'on a attendu que tout le monde se barre, que le fest se vide et qu'on est resté. On a pris le temps de rentrer très tranquillement. On a fait tout le tour, là on n'a pas pris le raccourci, on est rentré par le Metal Corner, tout, on a regardé le camping de loin, on était tranquillou. Puis on est rentré à la tente et puis on a vu Bob qui dormait. Voilà. Parce qu'il était fatigué. Certainement. Il était 2h du matin, donc bout dis donc. On a cru qu'on était foutu à la porte parce que c'est là ouais. qu'on a vu les bières. C'est là qu'on a vu les bières, on a cru que c'était un message pour dire allez picoler. Allez, c'est sur la pute. Mais on l'a vraiment pris comme ça. Je on n'osait pas rentrer au début. Mais attends, il faut beaucoup. Et du coup, on est rentré et on vous a parlé. On vous a dit mais oh, vous dormez ? Oh, réveillez-vous. On n'a pas fait genre calme, hein. On a parlé normalement. Ouais. Du coup, bah non. Et le point que j'ai oublié de dire, c'est le samedi soir. Donc le samedi matin, Joe qui nous dit ouais, je me sens en forme, ce soir je remets ça. Ouais. Le samedi soir, on est tous à la tente. Et puis l'invité qui était présente disait hey, on pourrait aller s'amuser quelque part, tout ça, on va pas se coucher maintenant. Et Joe, revigoré, il a dit moi je vous préviens, si on part, je dors pas là cette nuit. Et 5 minutes après, il dormait, mais il ronflait comme une mort. Mais le mec n'a même pas reparlé entre cette phrase et le sommeil. Voilà. Donc ça, c'était moi pour les concerts que j'ai vus. Alors, grosse claque, donc The Dillinger Escape Plan, Every Time I Die, Vodoun, grosse surprise, Vodoun. Voilà. Voilà. À toi. Ouais, bah... J'ai pas grand souvenir, en fait, du dimanche. Mais vraiment, quoi. Enfin, des groupes, en fait, parce qu'on a papillonné, comme on peut dire, de scène en scène, et... Franchement, je crois que Bright Curse, si je me trompe pas. Vodoun, vite fait. Ghoul aussi, vite fait. Ah. On est passé devant. Prong. Ah, Prong. On a été voir. Ouais, mon groupe préféré. À la vie, à la bière. Bah, Skin Dread. On est resté devant. Quelques chansons. Voilà, je pense. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Comment dirais-je? Je ne sais plus. Putain. Devil Driver. On était sur la droite, on entendait quasiment rien. Le son. J'avais l'impression que le son venait avec le vent. Et on entendait vraiment. Comme ça. Ah, on entend. On n'entend plus. Donc je sais pas, c'était un peu mal branlé. La poussière, énormément. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Eh ben là je pourrais pas vous dire, j'ai loupé ce cours. Si forcément Clutch, excellent pour ma part. Franchement ces mecs là ils déboîtent quoi. J'ai que ça à dire quoi. Tous les concerts que j'ai fait de Clutch quoi, à chaque fois quoi, ils sont nickel quoi. Les Icos bougent pas trop, mais par contre Nel Felon quoi, il se donne quoi. Et puis la banane quoi, il a voilà quoi, rien à dire, Clutch ça reste toujours parfait. Qu'est-ce que bah The Dillinger, on est resté on a pas mal discuté avec des gens je crois. Ouais le dimanche ouais. On a fait une pause sur le Easy Camp, j'ai discuté avec un gars, j'ai son nom mais voilà. Ah oui, des petites dédicaces à faire. J'ai pas été voir au Queen. Mais ouais, on a fini sur Dillinger et franchement, c'était génial. Et là, j'ai rencontré un gars, je me rappelle plus. Je devais noter, j'ai pas noté du tout. Mais super sympa, un jeune de 24 ans, très posé, il venait avec des potes, il venait de Lyon, je crois, si je me trompe pas. On était à la barrière de son et super sympa, on a discuté pas mal, bon 20 minutes, une demi-heure, tu vois. Et lui c'est pareil, il trouve qu'il y a un changement parce que ça fait 5 ou 6 fests qu'il fait. Mmh. Et il trouve qu'il y a un changement d'ambiance, il y a un changement de public aussi quoi. Assez conséquent. Ça le dérange pas plus que ça parce que lui c'est musique et il vient pour les concerts, le reste il s'en fout quoi. Mmh. Il a totalement raison en même temps. Et voilà, il vient de Lyon si je me rappelle bien. Mais je n'ai plus son prénom. Mais tu l'embrasses. Mais non, pas forcément. Je le salue déjà, c'est déjà mal. Et ouais, je lui ai dit, quoi, parce que je te passerai peut-être une dédicace. Hey voilà. Écoute, trop de Twelve Fest. Voilà. Et il faut que tu arrives à la fin pour que je te salue. Voilà. Salut toi, à toi. Toi, l'inconnu. M'a connu. Voilà. Mais après. D'accord. Ça aide pas. Non, c'est vrai, mais on sent que c'est sincère. Ouais, non, c'est sincère. Mais c'est pas le seul. D'ailleurs. Et du coup, toi, Joe, les concerts que t'as aimés du dimanche? Bah écoute, qui sont sensiblement les. J'en ai parlé tout à l'heure, mais. Bah c'est sensiblement les mêmes que. The Dinger. Eh hey, bah tu as parlé. The Dinger, Breakers, Vodoum. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des concerts que vous avez pas vus et que vous auriez aimé voir ce dimanche? Ah bah forcément, In Nino. Ah bah oui, Il Nino. Histoire d'en remettre une petite couche. C'est ça, hein. c'est ça. Les frères d'Il Nino. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé voir Five Finger Death Punch. J'ai vu vite fait de loin et le nouveau chanteur m'a pas emballé. J'aurais bien aimé. Bon bah... Pourtant, t'étais VIP, toi. Puis peut-être aller voir. J'ai pas été beaucoup dans le. Ah bah, je peux en parler par contre de ce nouveau coin VIP au passage. Alors, j'ai pas connu l'ancien, donc je peux pas comparer. C'est sûr qu'il faut. Je trouve qu'il est. Excessivement bien réussi, il est magnifique, tout c'était beau. Le coin près, c'est top. C'était vachement agréable de pouvoir aller là-dedans. La piscine est très sympa, mais je ne suis pas super fan, justement, du côté piscine où les gens viennent, vont, se prélassent un peu et ils retournent. Je veux dire, moi, par exemple, quand je sortais de Frank Carter et que j'avais pris plein de poussière dans la tronche, bah, je n'allais pas aller patauger dans la piscine pour me détendre. Et j'ai eu un peu l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient et restaient leur après-midi à se détendre. C'est leur droit tout à fait, hein, j'ai aucun problème avec ça, juste moi c'est pas pour moi, c'est pas mon délire, je suis pas comme j'ai ça. J'ai peur de l'eau, c'est ça, j'ai très peur d'éclair un peu d'eau. Non mais voilà, je trouve le coin hyper réussi, hyper sympa et vraiment très agréable. Et c'est une totale réussite, esthétiquement c'est un petit bijou, c'est magnifique. Par contre, voilà, j'ai pas aimé le côté pataugeoire où ça faisait un petit peu un truc un peu. Voilà. Par contre, je regrette vraiment un truc de pas avoir fait, c'est d'avoir été le voir de nuit parce que j'ai vu beaucoup de photos. Et il avait l'air d'être très très très beau de nuit. Et j'ai pas du tout pensé ce que je suis resté avec. C'est vraiment sympa de ta part. Avec mes amis festivaliers. Voilà, je vous ai pas laissé tomber, les gars. J'étais avec vous les trois quarts du temps. Bah, on te remercie. Hein. Mais ça, c'est gentil. Non, sinon, un autre concert que j'aurais pu voir et que j'ai pas vu, je crois que c'était le seul. Et toi, Joe? Vu que Bob est parti pisser. Dommage, j'ai pas vu Perturbateur. Ouais, c'est ça. Non, j'ai vu tout ce que j'avais envie de voir, sachant que le dimanche, bon, voilà, j'avais pas fait forcément le tour avant le fest. Donc, le peu de choses que j'avais écoutées, je l'ai vu. Et puis, le restant, je t'ai suivi, Jacques. Et du coup, pas déçu par ce que j'ai vu. Quoi. Et non, parce que moi, j'emmène les gens en voyage. Oui, désirless. Et toi, Bob, quel concert aurais-tu raté? Quel concert aurais-je raté? The Vintage Caravan, que je voulais voir, UFO Mammouth. Vadruna, non, c'était pas dimanche? Oui, pour inviter un. Non, ça devait pas être dimanche. Non. C'était le samedi. Oui, mais ça, oui, c'est vrai que c'est pas ma découverte à moi, donc du coup, oui, j'ai pas pensé. Mais Non, t'as pas voulu. Oh, dis donc, écoute, petite dédicace à l'invité. D'accord, du coup. Oh, j'ai peut-être pas fini. Ah, pardon, j'ai cru. J'ai complètement cru, je m'excuse. Non, mais c'est bon, j'ai fini. D'accord. Du coup, tu as profité de ce festival pour. Pour saluer des gens. Saluer des gens, donc ouais. C'est ton petit moment. Vas-y, je t'en prie. Donc, je voulais saluer Trent, 27 ans de Toulouse. Bon, on a discuté. En attendant, si je ne me trompe pas, en attendant Primus, je crois. J'aurais dû me noter ça. Donc, sa scène, c'est la vallée. Principalement. Parce qu'il aime bien la vallée. Alors, Bob a fait un signe visuel, voilà, pour qu'on rigole. Voilà. On ne peut pas le retranscrire parce que c'est à base de drogue. Salut, Trent. Donc, ses groupes, c'était Dillinger, Meshuga. tout à fait la vallée. Mais non, il voilà, je ne sais pas trop, hein, mais je pense qu'il est, voilà, il est très gentil. Donc il me dit que bonne évolution pour les festivaliers. Mmh. Voilà. On n'est pas tous le d'accord. Le public évolue pas vraiment dans le sens métal, d'après lui. Ouais. Lui, il dormait chez l'habitant. D'accord. Voilà. Donc pour lui, c'était un bon accueil chez l'habitant, bien sûr. Il était avec des potes. Il a fait du camping au tout début en fait, du fest. Et je crois que c'est participé au Hellfest depuis 2009 quand même. Donc c'est de quoi il parle. C'est un vrai. Voilà. Et son meilleur concert pour le vendredi, parce que c'est le vendredi que je l'ai rencontré, c'était Subroza. Ah ouais. Voilà. J'en ai entendu du bien aussi. Ouais, paraîtrait-il. Et je voulais saluer Steve. Ça fait 9 ans que je le vois, ce mec-là. Ah bon ? Ouais, il est réceptionniste sous la vallée. Tu sais, c'est un mec qui a des gros bras et qui réceptionne les gens qui slament. Ah ! Et ça fait 9 ans que je le vois sous la vallée. Et 9 ans, tous les ans, il est là depuis depuis genre j'ai repris le Hellfest. Et cette année, je me suis dit, tiens, mais putain, depuis le temps que je le vois, ce mec-là, il faut que je lui parle. Quoi. Parce que c'était le seul que j'ai reconnu, tu vois, vraiment. Quoi. Ouais. Et c'est pas un fan de métal à la base. Mais voilà, il s'est bien accoutumé au truc, quoi. Il apprécie plutôt bien la musique qui passe sous la vallée, du coup. Voilà, donc le changement, les slameurs n'arrivent plus comme des fleurs, parce qu'à une époque, ils arrivaient, on les déposait simplement, tu vois, gentiment au pied de la fosse, quoi. Mais ils sont carrément lancés ou éjectés, quoi, maintenant. Carrément, quoi. C'est les gens éjectent carrément les slameurs, quoi, hein, donc c'est plus violent. En même temps, cette année, le public parfois casse-couille sous la vallée, quand même. Hein. Ah ouais, je tenais à préciser. Non, c'est vrai, la gonzesse sur Primus qui nous a passé 10 fois dessus, hein, parce qu'elle a slamé 10 fois. C'est trop cool. Tu le fais 1 fois, 2 fois, je veux bien, mais tu le fais 10 fois, à la fin, les gens, c'est sûr qu'ils vont t'éjecter. Il y en a toujours qui font ça à longueur de concert. Ouais, comme... Il y en a une en fauteuil roulant cette année, elle était ultra casse-couille, pareil. Ouais, il parle. Je rigole, c'était un très très bon souvenir du festival cette année. Ah bon, tu crois ? Bah oui, je pense, ouais. C'est pas ce que tu m'as dit. Parce qu'elle m'a roulé dessus, elle m'a fait mal, d'accord ? Ouais, c'est ça, j'ai pris une roue dans la... Et je tenais aussi à saluer Jonathan, 28 ans. Alors, j'ai plus trop, parce que j'ai réécrit ça je crois une semaine après. Donc j'ai fait ça de mémoire. Donc c'est Jonathan, 28 ans, il est paré pas du tout, il en fait 19, il va se reconnaître. Ou ses amis, s'ils écoutent, je vais bien dire, écoute Road to Hellfest. Donc je l'ai rencontré sur le camping, au Easy Camp en fait, dans la tente, coiffage, machin. Quand on était tous en fait, il y avait le lit, tout ça. Là. Ouais. Que le mec était venu avec son lit de car tent et que je m'étais assis. Oui, oui, bah, c'était, oui bah, ouais. Quand est-ce que tu as parlé avec lui ? Bah en fait, vous étiez tous partis. Et moi je devais finir ma bière ou je sais pas quoi, puis il y avait un gars à côté de moi et du coup je me suis mis à discuter avec lui. D'accord. Et c'était Jonathan, 28 ans. Cool. Voilà. Et c'est sa deuxième participation au Fest, donc il a fait l'année dernière. Ouais, moi aussi. Et ses scènes sont la vallée, la Warzone. Voilà. Et très éclectique musicalement, quoi. Voilà. Il est venu pour un petit peu tout. Warzone, vallée, main stage, voilà. Ah, donc, salut Jonathan, je suis désolé, j'ai écrit ça de mémoire. Je me suis juste rappelé de ton âge, de ton prénom. Et bah, du lieu. On peut quand même saluer le fait que tu arrives à te rappeler de ça alors que tu as dit toi-même que le dimanche, apparemment, c'était un peu compliqué. Ouais, bizarrement, ouais. Mais je sais pas, j'ai une mémoire sélective, certainement. C'est ça. Du coup, bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour des 3 jours. Alors, je voulais revenir sur un point que j'ai évoqué tout à l'heure, vite fait. Il y a eu quand même énormément cette année de retours négatifs des filles qui, apparemment, ont subi beaucoup d'attouchements ou autres, justement, lors de slam ou à différents endroits, et même des filles qui disent avoir été suivies par un mec en dehors du festival. Bref. C'est vrai que ce serait dommage que parce qu'il y ait plus de filles au festival, il y ait de moins bons comportements qu'avant. Ah, Joe. Ouais, j'ai une touche à mettre là-dessus parce que du coup j'avais pu voir un reportage sur YouTube où on peut entendre parler, on peut entendre des filles dire c'est un festival qu'on apprécie vachement parce que en fait c'est l'un des festivals où on est tranquille. On peut se lâcher. Ah, j'ai vu ce truc-là. Ouais, moi aussi. En fait, tout le monde nous prend. Oui, mais parce que tu peux porter des tenues sexy, cool, machin, tout. Les mecs vont te dire voilà, super, c'est, cool. Voilà. C'est ça, oui, mais aucun danger, rien du tout. Oui, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg que tout le monde sait, mais il y a aussi une partie où il y a des gens qui ont subi justement apparemment des attouchements lors de slam et tout ça. Et même d'autres agressions peut-être à différents moments. C'est pour ça que je tenais à le dire, c'est que tu vois, toutes ces filles qui vont pouvoir tomber sur cette vidéo-là, qui vont se dire « Ah ouais, c'est super cool bah, !» bon, bah, voilà, il y a ce petit commentaire. Bien, là, ne venez pas. Ce petit retour, je veux dire. Non, mais ça, en fait, je pense que ça reste quand même la majorité. Moi-même, le premier, je suis tombé sur... C'était un effet de mode de cette année. D'énormément, enfin de quelques filles qui étaient désagréables, qui étaient topless et qui étaient surprenantes. Et donc, du coup, moi j'étais limite pas gêné, mais sur le coup, j'étais merde, je suis en train de regarder une fille de topless alors que j'étais juste tombé sur sa poitrine par hasard. Je pensais pas qu'elle était une fille en fait, je voyais quelqu'un de dos torse nu et quand elle s'est retournée, c'était une fille. Ouais. C'est parce qu'elle était triangle au niveau. C'est ça, elle était plus carrée que moi. Donc, oh. Non, mais ça pour dire, c'est que. Gros pectoraux. Voilà, cette année, il y a quand même publiquement sur Facebook pas mal de retours de filles qui disent avoir ressenti des trucs. C'est pas la première année apparemment qu'il y en a. Je pense que c'est normal que plus il y a de monde, plus il y a de connards. Donc plus il y a de connards, plus il y a de dérives. Faut pas que ça soit non plus quelque chose de. Qui devient une contrainte pour venir, mais je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui doit être entendu et écouté aussi par ceux qui organisent afin de mettre en place autre chose. ou un système. Ah oui, enfin, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, quoi? Je ne sais pas. Là, quoi. Écoute, ils ont réussi à améliorer la cathédrale. Non, ils peuvent faire quelque chose pour l'ombre et tout ça. Rhabillez-vous pour tous les mecs qui vont commencer à glisser un doigt sous le short d'une gonzesse parce qu'elle se lève. Je ne suis pas en train de dire que c'est la faute de la production ou c'est pas ça que je suis en train de dire. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Non, c'est aux gens bien sûr. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Le fait qu'ils en parlent eux aussi, tu vois, déjà. Parce que là, c'est quand même qu'on parle. Je pense que là, il y a assez de trucs, de pages Facebook ou je sais pas quoi. Oui, mais pas, c'est pas officiel. Officiellement, ils en parlent pas de ça. C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux qu'ils en parlent? Bah, juste faites attention, quoi. Habillez-vous, venez comme vous êtes, mais après, vous pouvez potentiellement prendre un risque comme n'importe quoi. Ouais, t'as une gonzesse comme la nénette qui m'est passée 10 fois dessus sur le. Moi, il y a un moment, je l'ai retenue par le short. J'ai voulu lui dire, c'est bon, maintenant, tu vas slammer ailleurs, tu nous fais chier. Vraiment, elle nous a fait chier parce que le concert, elle me l'a pourri. Déjà, à la base, Primus, c'était pas top. Mais en plus, du coup, elle m'a carrément pourri parce que j'étais toujours retourné en train de me dire, elle va revenir. Et quand je me prenais un pied dans la gueule en me disant, ah, bah ça y est, elle est là. Du coup, tu vois, non, mais ça pourrit le concert des gens. Il faut aussi qu'ils pensent à ça. Les gens qui slament, c'est que derrière, tu slames une fois, ok, c'est sympa. Je suis tout à fait d'accord, le slam, ça fait partie du métal, ça a toujours été. Mais quand tu vas slammer 10 fois sur les mêmes personnes, tu notes Joe comme on dirait qu'il m'engueule quand il dit ça. Non, mais il regarde pas toi, il regarde moi avec des gros yeux. Genre, non, mais c'est parce que c'est toi qui parle. Parce que je slame pas, c'est ça. Tu fais pas la fête. Bah, tu sais pas faire la fête. Je ne sais pas. C'est la fête. Non, je slam. Je comprends ce que tu veux dire. Je suis pas en train. Non, mais après qu'elle vienne pas se plaindre aussi derrière. C'est pas lié ça. C'est pas la fille qui fait 15 fois du slam qui va se prendre un doigt. Oui, mais. Ça peut être lié aussi. Tu crois, genre, on va dire pour la calmer, on va lui mettre un doigt? Ou je pense que juste qu'il y a énormément de connards. Bah, c'est ce que j'ai fait, et c'est à chaque fois, ça a à chaque fois, ça a arrêté, elle a mal pris. Non. Ah. Elle l'a mal pris. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas, le côté métal de vouloir profiter de ça, en tout cas. Et que justement, vaut mieux retenir les filles qui sont contentes de venir parce qu'elles sont à l'aise. Mais il faut aussi pas faire les aveugles en disant tout est parfait là-bas. C'est tout ce que je voulais dire. Tout n'est pas parfait, et puis on n'est pas une grande famille, il faut arrêter. C'est ça, on n'est pas tous des frères non plus. Il n'y a pas parce qu'on s'entend bien pendant 3 jours sur place et après on se connaît plus qu'on est tous des frères. Voilà. Même si cette année j'ai l'impression que le rayonnement est plus important ailleurs. Justement. Tu veux dire sur Rennes, dans un certain fast-food? Déjà, et non, même je pense que ça peut monter jusqu'à Arras hein, si on en va là, je pense. Je pense. Bon, bref. De ce côté-là, c'est fini. Maintenant, on va peut-être faire un rapide état des lieux, à savoir, est-ce que c'était édition... Bah, on va commencer par Joe. Toi, c'était ton premier Hellfest. Tu regrettes pas, tu as trouvé ça top en dehors de quelques excès de soleil et de déshydratant. De vignesse. Ah, mais j'allais pas le dire. On a même pas bu. Quand serait-il pour une prochaine édition? Ben, moi, c'est vraiment le nombre de festivaliers qui me dérange, en fait. Ce côté de pas assez respirer sur le site, dès que tu as envie de respirer un petit peu, quoi. Après, je suis dans l'hésitation, en fait. C'est sûr que j'ai trouvé ça énorme. J'ai bien kiffé mon week-end. J'aimerais bien y retourner parce que je pense que je vais le vivre encore autrement maintenant que je l'ai découvert. Je vais être un peu plus à l'aise maintenant. Les repères sont là. Après, ce qui me bloque le plus, quoi, c'est ça. Quoi. Après, est-ce qu'il faut que je m'arrête à ça? C'est personnel. Ça. Est-ce que du coup je pense pas parce que je l'ai fait, ça s'est bien passé, donc ça s'est pas bien passé tout le temps. Arrête, il y a des moments où t'étais fatigué quand même. Jeudi soir, mais t'es fatigué. Ah, si l'année prochaine il pleut, ok, voilà, ça fera une autre découverte. L'argument de merde. Je vais y aller quand il pleut, j'ai vu le soleil, maintenant je veux voir l'inverse. Voilà. Par contre, il m'a dit un point tout à l'heure avant que tu arrives, Bob, qui était assez intéressant. Il m'a dit, bah voilà, ça y est, maintenant j'écoute plus de métal. Le passage est fait maintenant. Mais est-ce que c'est le fait que je me suis remis à la guitare à fond dès que je suis rentré parce que j'étais en manque? Peut-être. Et que du coup je joue plus du blues rock que du métal. Et du coup je me reconcentre là-dessus et je réécoute beaucoup de blues ou de rock. et un peu moins de métal. D'ailleurs toi qui... Par contre, sur les premiers jours après le Hellfest... Métal. À fond. À fond, j'ai réécouté tout ce que j'avais... puis écouter ce que j'avais bien aimé, quoi. Et du coup, toi qui n'étais pas donc un métalleux, on va dire, de base, même si ça veut un peu rien dire... Grande famille. Ouais, mais c'est pareil, c'est ce que disait Bob, Trent, je sais plus. je suis super éclectique. D'accord, mais justement, je voulais dire, comment toi t'as trouvé ce public métalleux ou genre ce truc de musique extrême? Parce qu'en me suivant, t'as été voir beaucoup de trucs totalement extrêmes pour le coup. Et que ce soit par rapport au public ou à la musique, est-ce que tu t'es senti en dehors de tout ça? Non. Peut-être que moi, je me suis mis un peu en retrait, mais j'ai pas l'impression que on est mis en dehors, quoi. D'accord. Donc, je pense que c'est moi personnellement qui me suis mis en retrait parce que du coup, bon. Bah... Bien que le public, il y a certaines années, était plus extrême que ça, quand même. Ouais. Bah, je pense. Là, le public est gentil, hein, même sous l'altar à la temple. Je trouve que ça va quand même. Ah ouais. Comparé à certaines années, Peut-être que dans la certaine mouvance, la génération se renouvelle et que maintenant, bah, y a peut-être plus de fans du Hellfest présents que de fans de musique. Ouais, et que tous les fans du Hellfest passés. Ne font plus le Hellfest présent. C'est ça. Parce que justement, il y a trop de. Fans de Hellfest. Ouais, enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais pour moi, je trouve que vraiment le public change, quoi. Et c'est vraiment en me déplaisant. Donc, du coup. Pour ma part. Donc, du coup, Joe a dit que lui, il savait pas trop s'il allait y retourner, mais que peut-être qu'il aimerait bien pour voir justement une différence maintenant qu'il connaît. Toi, Bob, qu'en est-il ? Moi, qu'en est-il ? Pour tout dire, en fait, pour moi, le Hellfest, depuis que j'ai repris en 2010, c'est que j'avais fait le Fury Fest, mais voilà, on a eu une famille, tout ça, le boulot, tout ça, entre deux. Donc, du coup, il était temps en 2010 de reprendre, et vraiment, on le fait, quoi. On se lance et on le refait, quoi. Et on le refait tous les ans depuis 2010. Et c'était vraiment génial, quoi. C'était. Le festival où les gens étaient là pour la musique, pour faire la fête ensemble, et vraiment il n'y avait pas d'individualisme, tu sentais vraiment qu'il y avait c'était pas une famille, mais tu sentais qu'il y avait une solidarité dans le milieu du métal, quoi. Vraiment c'était quelque chose de très très très fort, quoi, et très présent au Hellfest. Et on était, je crois, si je me rappelle bien, en 2010, 80 000, je crois, un truc comme ça, en total, tu vois. C'était vraiment le festival. 80 000 sur les 3 jours ? Ouais, je crois. Si je me trompe pas, hein, ça doit être de l'ordre de ça. Et c'était génial, quoi. Tu vivais ton Hellfest librement, tranquillement, et avec vraiment que des passionnés de métal et des gens qui étaient là pour la musique, quoi. Et au fur et à mesure des années, quoi, là, cette année, je retrouve pas ça, quoi. Je retrouve pas ce côté, donc c'est peut-être aussi moi qui vieillis, c'est peut-être voilà, la nouvelle génération qui vient au Hellfest, mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait réellement plus de mélange, tu vois, que ça, d'anciens et de nouvelles générations, tu vois. Je pense que tu restais en retrait pour ta première fois dans les années d'avant. Bah avant j'étais acteur, quoi. J'étais acteur, et là maintenant j'ai plutôt l'impression d'être spectateur d'un truc voilà, j'ai du mal, tu vois, vraiment à apprécier ce nouveau Hellfest, en fait, quoi. C'est ce changement, j'arrive pas. C'est en termes de public, de tout, en fait, de tout, vraiment. J'ai l'impression, avant tu faisais le Hellfest pour aller 500-600 € le week-end, quoi. Tu pouvais faire un putain de Hellfest, c'était un très très bon week-end, et tu revenais, t'avais un gros manque, quoi, et tu, voilà, t'avais cette petite déprime qui tenait pendant quelques jours en me disant putain, bordel, fais chier, quoi. Là, cette année, je l'ai pas ressenti. J'ai coupé mon bracelet le premier jour, tu vois, alors qu'avant je pouvais le garder un mois et demi, deux mois, en me disant ouais, cool, Hellfest, machin truc. Là, franchement, cette année, déjà l'année dernière, j'ai eu un petit peu plus de mal. Cette année, j'ai aucun. aucune tu vois, déprime post-Hellfest comme on pouvait l'avoir. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on est en train de me voler un truc. C'est mon sentiment. Hein. Vraiment. J'ai l'impression qu'on... Ouais, qu'on est en train de me voler un truc, quoi. Qui était à moi et que voilà, je l'ai plus en fait, ce truc-là. Tu vois, le Hellfest, c'était mes 4 jours de l'année. Où pour moi, c'était. J'étais libre, vraiment. Et je pouvais me retrouver avec des gens. Bah, qui avaient une vraie passion commune, tu vois, avec moi. Qui était le métal, la musique. Et voilà. Et là, j'ai pas l'impression que le public de maintenant vient pour la musique. J'ai plus l'impression de voir un public curieux de « Hey, qu'est-ce que c'est que le Hellfest ? » On m'en a vachement parlé et je l'ai vu à la télé et c'est trop bien le Hellfest, il faut qu'on le fasse. Et voilà, c'est comme ça que je le vois maintenant. Et j'ai peur que dans le futur, le Hellfest eh ben, se tue lui-même à petit feu en fait. À cause de ce public qui vient pour faire le curieux, pour se dire « Tiens, qu'est-ce que c'est le Hellfest ? J'en ai vachement entendu parler, j'ai vu ça à la télé. » TF1, M6 en parle, j'ai même vu ça sur M6. Sur TF1 aussi. Sur TF1 aussi, oui, ils en parlent. Avant le Hellfest c'était complètement underground quoi. C'était le Hellfest, c'était on en parlait quasiment pas. C'était des gens t'écoutes du métal machin un truc. Maintenant le métal c'est ouais c'est super, mais c'est trop fait, cool, les gens sont trop fun. Non mais en fait là où je te rejoins sur tout ce que tu dis, mais en fait je pense que justement le métal est pas forcément plus populaire. J'ai pas l'impression que les gens le Hellfest est plus populaire, voilà. Tout simplement. C'est ça. C'est le festival en lui-même. Mais je sais ce que je te dis, c'est que le Hellfest est en train de se pourrir lui-même. Ouais, mais est-ce que tu penses pas que tant qu'il y aura une affiche comme... Parce que franchement, vu tous les concerts que j'ai vus... Je suis d'accord. L'affiche en elle-même, elle est pas gerbée du tout. Elle est très très bonne. Mais c'est, voilà, c'est ce que ça attire. Je te parle pas de la musique en elle-même. Mais oui, mais... Les fans de musique resteront des fans de musique. Ils vont venir pour la musique. Mais derrière, t'as le public qui va venir parce qu'ils ont entendu parler du Hellfest. Et ils se disent, ouais, c'est trop bien. J'ai entendu parler du Hellfest, c'est pas par des copains métalleux, c'est pas par machin truc. C'est parce que le Hellfest, ils en ont entendu parler sur partout. Maintenant, on entend parler partout du Hellfest. Ah, moi, quand j'ai repris le Hellfest, on n'entendait pas parler du tout. Puis, quasiment. C'était le premier festival de métal français. Donc, Ouais. Enfin, le plus gros, oui. Genre, donc, maintenant, ça commence, à avoir d'autres choses. Il y a le Motocultor. Le Motocultor. Il y a le Fall of Summer et il y a. Le download. Le download, mais c'est encore vraiment autre chose. Hein, le côté bien sûr. Maintenant, toi-même, tu vois un peu plus le côté Live Nation. Ouais. C'est un peu différent. Ouais. Mais voilà, c'est ce que je veux dire. C'est qu'avant, le Hellfest, c'était un truc de puriste. Puriste, voilà, tout à fait. Et maintenant, c'est un truc grand public. Et quand on parle de Disneyland, du métal. Mais ça, il le revendique. Enfin, il le revendique pas. Il est d'accord avec ça, hein, Ben. Mais. Je suis pas d'accord, enfin voilà. Bah, si. Moi c'était mon truc avant quoi, le Hellfest, les 4 jours où tu pouvais venir écouter de la musique avec des gens cool et que ça se passe super bien et que tu regrettes et que tu chiales limite avant de partir en disant putain de week-end quoi, c'était énorme. Et maintenant moi j'ai pas changé, je suis toujours le même fan de musique et on grossit même notre liste de groupes et de styles musicaux, mais le public me déplaît au plus haut point quoi. Ce que c'est en train de devenir le Hellfest en fait, ça me déplaît au plus haut point. Oui, mais pourtant après ce que tu disais tout à l'heure, t'as quand même discuté beaucoup avec des gens vachement cool et vachement sympas. Oui, ça fait partie du public ces gens-là. Bah oui, enfin mais tu me vois discuter avec 180 000 personnes, non, c'est impossible. Ça. Donc ce que je veux dire c'est qu'il y a. Mais je vois sur les réseaux sociaux le groupe que j'ai quitté. C'était que ça. J'ai vu cette année, c'était horrible de voir le nombre. Alors là, c'est moi qui vais dire le nombre de personnes qui sont en train de dire. Hey, j'étais machin, si vous avez pris en photo machin, vous pouvez m'envoyer la photo. Voilà, ça, c'est du m'as-tu vu, les gens ils sont là-bas pour être vus, pour dire hey, vas-y si tu m'as pris en photo. Ça je suis d'accord. Ils vont tous changer leur photo de profil Facebook en disant j'ai fait le Hellfest. Voilà. D'accord, donc du coup donc là c'est l'autre. C'était cool d'aller au Hellfest. Enfin je sais pas. C'est cool. Mais oui c'est cool, mais pas dans le sens. C'est cool. Et donc du coup toi pour l'année prochaine. Bah franchement, quitte à foutre de l'argent dans un festival, autant que ce soit dans un festival plus petit qui. Voilà. Et qui me. Bah, comme le Motocultor par exemple. Le Motocultor, c'est toujours un problème d'affiche, hein. J'y arrive pas. Moi. Après, ouais, mais si tu veux retrouver justement le côté underground et vraiment cool du métal, avec des métalleux, enfin des gens là qui partagent une passion commune, parce que j'ai vu des gens sur Facebook, des groupes qui. Après, c'est du fun radio. Hein, ça, ouais, mais ça, à la limite, je dirais, à la limite, c'est un, si on retire ce côté-là, si on parle de son expérience propre, encore, moi, je dirais que tous les gens que j'ai croisés là-bas ou que j'ai discuté, c'était des gens, voilà, c'était bien. Je suis pas tombé sur des kékos ou des connards. C'est pas parce que... voilà, mais... Non, mais je veux dire, on aurait pu discuter avec des connards. À la limite, le mec le plus beauf qu'on a vu, c'était le... Ah, Monsieur Muscle. Monsieur Muscle. Ouais, bah, lui, c'est, bah justement, c'est exactement ça, tu vois, c'est exactement ça. C'est, alors ça, il n'y a pas plus, on est d'accord, le mec bodybuildé comme il n'y a pas, tu vois bien que c'est le mec, lui il fait les anges de la télé-réalité, tu vois, bah, peut-être, avec sa gueule, non, mais bon. Et son côté bodybuildé, et ses tatouages en une espèce de tribal pourri. Ne serait-ce que ses premières réponses à la déconnade, ah, mais déjà, c'est ça. Ça envoie le décor. Bah, le mec, il arrive, je t'aime, moi, super. Il fait trop chaud. Ouais, Jean-Pierre. Bon, bref, ça fait déjà 2 heures, donc moi, je vais venir un petit peu sur mon avis personnel. Quand je suis revenu de cette édition, je m'étais dit, je ne savais pas si j'y retournerai l'année prochaine. Pas forcément déçu par cette édition, parce qu'en fait, elle n'avait rien de plus décevant. Je n'ai pas été déçu du tout. Ben non, c'est ça, donc elle n'avait rien. Il y avait beaucoup de monde et il a fait trop chaud, donc ça, ça n'aide pas. Mais c'est vrai que je me suis posé la question, mais il semblerait... parce que c'est mon entourage qui me l'a dit, que j'avais dit la même chose l'année dernière. Donc du coup, je vais me faire très peu confiance sur ce coup-là, et je vais attendre de voir. Je ne sais pas encore, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas me jeter sur le pass. Tu mets un droit de veto sur ce que tu dis. Oui, là-dessus, ouais. Donc ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas me jeter sur les passes, genre, vite, je l'ai. Je ne suis pas inquiet, en fait. Je vais partir du principe que bah, je vais peut-être décider d'un moment, je le prends quand même, au cas où, machin, mais je ne suis pas... je ne sais pas trop, je ne suis pas décidé. Je n'ai pas été déçu. Ça me déplairait pas d'y retourner, mais je me dis pas, putain, il faut absolument que j'y aille. Je suis pas dans cette optique. Mais moi, c'est les autres années, c'est ce que je me disais. Voilà. Faut absolument que j'y aille. Quoi. D'accord, donc je comprends ton point de vue là-dessus. C'est pas du tout, en tout cas, une critique en soi, enfin, je pense, commune sur cette édition, parce que du coup, au final, cette édition était bien. C'était une bonne édition. Mmh. Il y a juste des choses qui nous ont déplu à chacun. Et du coup, ça fait un peu une note négative pour la fin, donc parce que ça fait déjà rien à péter. Non, mais non, je veux dire, ça fait genre ouais, vraiment, oui, on a tous des choses à dire. Alors au final, ce que je veux dire, c'est que c'était quand même une bonne édition. Ça, le point. Non, mais c'est la réalité, et puis c'est important de oui, le dire. Oui, non, mais oui, mais. C'est pas comme si c'était la deuxième fois que j'y allais, quoi. Je suis d'accord avec toi. Non, mais. Ce que je veux dire, c'est que ton avis sur le changement et tout ça ne remet pas en cause forcément le fait que cette édition ne t'a pas déplu en elle-même. Pas du tout. C'est ça. C'était le point que je voulais dire. Non, parce que moi je suis un fan de musique et j'y vais pour la musique principalement. Donc, très bonne affiche cette année. Hein, maintenant, je voudrais juste revenir à un petit point rapide avant de clore, parce que c'est quand même techniquement le dernier épisode de la saison. Officiel, j'entends. Dernier épisode officiel. Et j'aurais voulu savoir maintenant que cette édition est passée, est-ce que le podcast ou tout ce qu'on a bossé là-dessus a changé? Alors, ton approche à toi, Joe, ça tu nous as plus ou moins dit tout à l'heure que tu as retrouvé un peu ce que tu avais vu. Donc, c'est plus Bob et moi, l'approche que ça a pu changer. On va revenir quand même sur toi, Joe. Est-ce que toi, d'avoir écouté tous les groupes ou d'avoir participé à un truc comme ça, a changé quelque chose dans ton ressenti sur l'édition? Genre, par exemple, tu vois, le fait que Bob, tu avais déjà parlé avant du public qui changeait tout ça, est-ce que tu étais vachement plus au taquet là-dessus ou... Ah bah, moi, c'est sûr que je serais plus dans la recherche de ce que Bob a pu vivre avant mm-hmm. sur Hellfest. Donc, c'est pour ça que je suis. Ce serait ma seule déception, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire trop de monde. Et dans ce trop de monde, bah, trop de gens qui viennent là, pas forcément. De touristes. Ouais, de touristes, quoi. Et. Bon, c'est un peu dommage parce que je pense que tu vois, j'aurais peut-être été moins en retrait si j'avais pas eu autant d'alcool dans le sang. Ah pardon, tu... c'est pas ça que tu veux dire. D'accord, ok. Mais du coup, en soi, le podcast n'est pas du tout lié à... Ça a été une bonne préparation, on va dire. Carrément. D'accord. Toi, Bob, sur... Pour moi, le podcast en lui-même, une bonne préparation pour le fest. Étant donné que je connais déjà le fest depuis un bon nombre d'années. Je pensais plus sur la limite ce qu'on a fait. Sur ce qu'on a fait. Bah après. Ouais, c'est un peu ce que je veux te dire, quoi. C'est que j'ai plus trop besoin de préparation. Mais je pense. Alors moi, je vais prendre mon exemple à moi. Tu dis en fait, tu vois, par exemple, les groupes. Les groupes, tu veux dire? Bah, ça fait partie. Musicalement. Ouais. Non, mais je veux dire, oui, principalement oui. Ça, quoi. Bah, déjà ça, mais pas que. Ouais. En fait, tu vois, par exemple, on avait parlé de tous les changements qu'il y allait y avoir au LCD Square. D'ailleurs, on n'en a pas parlé du tout en émission. Il y a eu beaucoup de changements. Oui, comme le catch, tout ça. Le catch, il y a eu un mec qui faisait des concerts à moitié en stage. Ah, oui, moi, je l'ai pas vu, moi. Violoncelle. Très, très bien, ça. Ouais, violoncelle. Bah, on a vu deux morceaux, je crois. Ouais, mais ça c'était va. La surprise. C'était quoi. Monsieur. Merde. Jean-Michel ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Moi, j'étais un peu vert que quand on arrive la première fois, c'était fini, quoi. Il revenait après faire une session. Mais je veux dire, tout ça c'était vachement cool, quoi. Ils ont mis une salle de aussi une salle d'arcade avec flipper et tout. Flipper. Franchement, j'ai dû faire 100 points, je crois. Le LCT Square, apparemment, t'es nul, il m'a dit. Totalement. Je vais être bourré, je crois. non, mais bah, bref, ils ont vraiment amélioré le truc, quoi. Ouais. Ça, c'est cool. Non, mais donc, quand je te parlais de la. Voilà, c'était le LCT Square. Non, en fait, si le fait d'avoir préparé des émissions et tout ça. Ça t'a pas aidé au niveau de la préparation, mais est-ce que ça t'a changé ton approche de cette édition? Et au final, moi par exemple, vraiment, d'avoir au niveau des groupes et tout ça, cette édition, je ne l'ai pas vécu pareil, moi je sais. J'étais vachement. Oui, mais toi déjà, tu avais ton accrède. Ouais, j'avais. Donc, du coup, forcément, tu ne l'as pas vécu en tant que festivalier à 100%. Voilà, bah du coup, voilà. Moi je ne l'ai pas vécu en tant que tel. Ouais. À toi. Donc. au niveau des groupes, en fait, moi j'avais beaucoup de groupes déjà que je voulais voir à la base. Plus que d'habitude. Ouais, coup. Plus de. Non, mais après, c'est vrai que je dis pas, les affiches, les affiches du fest sont toujours, pour ma part, plus ou moins bonnes. Après, c'est vrai que. Enfin, si, il y a beaucoup de groupes, puis même, il y a des découvertes à faire. Et oui, dans ce sens-là, le podcast a fait en sorte que, on prenne un petit peu le taureau par les cornes, comme on dit. Et qu'on aille avec ce petit jeu de pioche 5 groupes et on en reparle la semaine prochaine. Ça m'a vachement aidé parce que du coup j'ai découvert des groupes que j'ai aimés, que j'ai plus ou moins bien aimés, que j'ai pas accroché du tout. Mais que tu connais. Et que je connais maintenant, comme Crippled Black Phoenix ou des trucs comme ça, tu vois, que j'irais pas forcément écouter, mais je connais maintenant un petit peu et je peux dire ah ouais, et je peux briller en société. Exactement. Bon, donc voilà, donc ce podcast est donc d'une utilité publique. Pour ma part, oui. Et puis psychologiquement, ça m'aide beaucoup. Très bien. donc, ça va pas en ce moment. Juste pour être sûr maintenant, on en a pas parlé avant, mais donc Jo, tu changes pas d'avis pour la suite? Non, je me casse. T'es toujours dans la même. Bon, donc c'est donc officiellement la dernière émission avec Jo qui nous quitte à la fin de cette saison 1. Ne pleurez pas, Jeannette. On va se retenir. Donc nous reviendrons sûrement. Vous avez rien d'autre à ajouter? Non. Je pense que non. Non. On a sûrement oublié plein de trucs. Ouais, forcément. Il y a tellement à dire. Mais bon, ça fait déjà 2h08, donc c'est bien, je pense. Ouais, 8, c'est bien. Ouais. Mais la 8. Joe, merci d'avoir été avec nous pendant cette saison 1. Ouais, merci Joe. Merci à vous. Je tiens juste à préciser que ce vil personnage a déjà dit qu'il serait partant pour être invité dans une potentielle saison 2. C'est un branleur. Je t'avais dit de pas l'inviter. Je l'ai pas invité. Non, mais je veux dire, au début. Et donc, je le connaissais pas, mais je t'avais dit de pas. Du coup, on sait pas trop pour l'instant s'il y aura une saison 2. Techniquement, oui. On n'a rien acté. On sait pas quelle forme elle va prendre ni comment elle va reprendre. Voilà. Donc, je ne saurais que trop qu'essayer de suivre tous nos réseaux sociaux que nous mettons pas du tout à jour en ce moment. C'est vrai que on est un peu à la ramasse. Désolé. Et que du coup, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à nous faire un retour si vous voulez qu'on continue. On a des idées pour la saison 2, on a des envies. Et pour l'instant, voilà, on ne sait pas. Donc, je pourrais bien un café. Voilà, tu vois. Une envie comme une autre. Donc, bonne. Bonne soirée à tous. Ah, c'est ça, bonne soirée à tous. Bonne année. Et puis, bientôt. À la saison 2. Voilà, ou à jamais. Joe, on te laisse le mot de la fin. Voilà. T'as bien mis, t'as bien les bouteilles.